Énergie. Voici l'heure du sondage du jeudi, 8h36. Les sondages du jeudi, c'est les petits chiffres. J'ai un chiffre belge ce matin. Ah oui, 24% des Belges avouent avoir déjà fait confiance à ce type de pratique. Mais quoi à votre avis? 24% des Belges ont déjà fait confiance à ça. Et quoi, Jérémy? La voyance. Eh ben, bonne réponse en plein de temps. C'est magnifique, c'est beau. C'est un perfect, bravo, bravo. Et un perfect de malade. Hein. Ouais, ça c'est joli. Confiance à la voyance de Tiffany. Ah, oui. Et ouais, la voyance, 24% des Belges ont déjà fait confiance à une voyante. Une personne sur quatre, c'est énorme. C'est fou, hein. Qui l'a déjà fait dans l'équipe? Non. Moi non, mais ma mère, elle est fan de ça. Ouais. C'est vrai, elle se fait tirer les cartes? Ouais. Et ma mère, et donc elle a envoyé aussi ma copine. D'accord. Ouais. Et elle a envoyé ta copine se faire tirer les cartes. Et toutes les deux ont dit la même chose pour moi. Non. Ouais. Que je vais me casser le pied. Non. Ah si. Bah, c'est trop drôle. Je sais pas. Oh là là. Attends, attends. Annule le ski, les gars. Attends. Mais non, je sais donc pas. Les deux voyantes. Non, la même voyante a dit à ma mère et à ma copine, mais elle savait pas qu'il y avait un lien entre les deux. Elle a dit ton fils va se casser le pied et elle a dit ton mec va se casser le pied. Oui, enfin excuse-moi, si elle donne ton prénom Frisco, il y en a pas deux en Belgique. Hein. Mais non, mais il y a pas Frisco. Mais non, mais vraiment. Ça fait peur, ça. Moi, je vous jure, ça fait peur. Et donc, du coup, je lui ai dit que potentiellement, on pourrait partir en voyage d'entreprise, etc. Et donc, elle m'a dit, si c'est au ski, tu fais pas de ski, hein. Évidemment, je vous promets. On est le jeudi 20 décembre 2018, on note, 8h38. Frisco, la voyance a dit qu'il allait se casser le pied. Si on part en voyage, mais je vais flipper ma et que tu te casses le pied. Ah, on fait une fête, hein. On fait une fête. C'est la première fois qu'on fait la fête parce qu'un mec se casse le pied. Je flippe, hein. Ah, c'est parce malade. Que autant j'y crois pas spécialement, mais je flippe. Je pense que maintenant, le fait que t'aies ça dans ta tête, inconsciemment, tu vas le faire pour casser le pied, évidemment. Elle m'a dit soit tu fais attention au ski, ou soit tu fais attention dans les escaliers, tu vas pas trop vite. Normal, tu vois. Et ben, 24% des Belges avouent avoir déjà fait confiance à une voyance. Une voyante même, sauf Tiffany, évidemment. Mais non, moi, ma maman a dit que je ferais un métier en rapport avec la parole. Elle avait été avant au début, quand j'étais née, quoi. Et donc, bah, aujourd'hui, bim. Alors, explique-moi un métier où tu ne prends pas la parole. Podologue. Ah bah voilà. J'utilise la parole. Podologue, oui, oui. Bah, podologue, t'es plus sur les pieds. Oui, mais tu parles quand même au client. C'est pas un client, c'est un patient. C'est la tâche ménagère préférée par 11% des hommes. Je suis choqué. Tiffany. Le repassage. Non. Frisco. Frisco. La vaisselle. Non, mais on n'est pas loin. Jérém, vider le lave-vaisselle. Non, non, non, mettre c'est la vaisselle, on n'est pas loin, vraiment. C'est la vaisselle. Mettre la table. Yannick, mettre la table. Non, non, rien à voir. La vaisselle, on l'a fait et puis on l'essuie. On l'essuie. Essuyer la vaisselle, c'est la tâche ménagère préférée de 11% des hommes. Ah, non, c'est relou. Essuyer la vaisselle, c'est le truc le plus facile à faire. Hein. On est d'accord. Relou. Moi, j'aime pas non plus, ouais. Non, c'est relou. En vrai, il y a toujours des petites gouttes et après, t'as toujours une remarque. Tu sais pas essuyer. Super relou. Pas te casser le pied, toi. Quelle gentillesse dans cette équipe. Je te souhaite tout le malheur du monde. Mais non, je plaisante. On finit avec celui-là. C'est la pire. J'étais assez halluciné quand même. Vous allez me dire si j'ai tort ou pas les étudiants ce matin. C'est la pire matière à l'école pour 7% des étudiants. C'est pas beaucoup 7%. C'est pas énorme, mais je suis étonné que ce soit une matière que 7% n'aime pas. À votre avis, quelle est cette matière? Jérém. Le sport. Non. Yannick. Les maths. Non plus. Frisco. Le cours de JO. Non, non, non. C'est assez simple, hein. Vraiment. Le cours Yannick. Les néerlandais. Non plus. Ah. Jérém. Français. Non. Le cours de musique. Le cours de musique, Frisco, bonne réponse. 7% trouvent que c'est la pire matière à l'école, la musique. Oh, c'était trop cool. Non, non, moi j'aimais bien. C'était ma préférée. On apprenait la flûte. La flûte, ouais. On a tous fait de la flûte. Mais évidemment, la flûte. La flûte au pipeau. Ça nous a servi à rien quand même, cette flûte. Et alors, je sais pas. Mais nous, en cours de musique, Madame Guidez, d'ailleurs, que j'embrasse, qui était ma prof de musique, on avait un piano. Et ceux qui savaient jouer du piano pouvaient jouer un morceau de temps en temps. Ah, terrible. Et donc, je vous cache pas que j'ai joué 4 fois le même morceau pendant l'année. J'ai eu 4 fois 20. C'est vrai? Ouais, j'ai eu des 20 à chaque fois. Oh, parce que t'as joué au piano? Parce que tu joues un petit morceau. Je faisais toujours le même. Il faudrait que tu nous fasses un petit... Un éléphant. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo. Sur énergie.be. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and

Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. À la recherche du cadeau idéal, trouvez-le dans un magasin Crefel ou en quelques clics sur crefel.be/kdo. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Il est 6h sur Énergie, on est en public, bonjour! Bonjour! On va démarrer directement avec un petit medley de Noël pour se mettre dans l'ambiance. Mickey et Flo, c'est parti! You better watch out, you better watch out. Better watch out, on the better watch out. Santa Claus is coming to town. Hey! Jingle bell, rock. Jingle bell rocks and ring a bell rock. Jingle bell round and jingle bell round. Ding dong the bells and ring a bell round. Jingle bell, all the way. La la la la la la la la la la la la la. Attention, le meilleur pour la fin. Où ça sent, Maria Carré? Où ça sent? I don't will love for Christmas. There is just one thing I need. And now I don't want another present. I don't need the Christmas tree. 3, 4 I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. Baby, all I want for Christmas is you. All I want for Christmas is you. Is you. Is you. All I want for Christmas is you. Émission spéciale Noël en public, évidemment, avec les fifous. Comment ça va le public ? Ah là là, on est très contents, c'est vendredi. Alors je disais c'est les vacances, il va y avoir le blocus aussi pour les autres. Après c'est Noël, on y est, c'est dans quelques jours. Et on va profiter tous ensemble avec cette dernière émission pour finir la semaine. Toute l'équipe est là, les fifous. Et alors le dress code aujourd'hui était, je le rappelle, sapé comme jamais, puisque on est en mode réveillon, comme oui, si c'était oui, le 31. Oui. On m'entend ? À deux ? À deux ? Oui, on t'entend, on vous entend, monsieur. J'ai l'impression qu'on a coupé mon micro. Parce qu'ils voulaient pas que je chante sur la chanson. Eh ben, tu veux savoir, ils ont bien fait. Est-ce que tu nous aurais cassé le rythme. Jérémy là, bonjour Jérémy. Bonjour tout le monde. Qui est Nœud Papillon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et vous avez vu, Nœud Papillon rouge et bretelles. Oula. Oh là. Oh là là. Ah ouais. En mode Chip and Dales. En mode Chip and Dales du dimanche quand même. Ouais, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Je mettrai un 8 sur 10 pour Jérémy. Tiffany est là aussi, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va ce matin? Bah super, écoute, je suis arrivée en jeans, robe, gilet, grosse veste parce que j'avais pas eu le temps de choisir ce que j'allais mettre et finalement, mais voilà le résultat. C'est Cendrillon. T'as choisi dans la garde-robe des déguisements ici ou quoi? Mais dis. Alors vous verrez, comme dans Cendrillon, à 9h, elle se transforme. En vieille citrouille. Frisco est là aussi, bonjour! Bonjour! Ça va Marco? Très bien! Ah, je suis ravi aujourd'hui, vraiment. C'est un jour qui me plaît bien, le vendredi. Ouais, sachez-le. Ouais, moi aussi. Il y a Yannick de la Rédac aussi, bonjour. Salut Marco, salut à tous. Bonjour. Et il est beau, hein? Il est beau. Et, et il est banquier, surtout. Faut savoir que le gars est très timide. Et il est là avec nous dans le public aujourd'hui. Eh ouais, monsieur. Et il est pas du tout rouge comme les boules derrière. La météo pour aujourd'hui, parce que c'était pas terrible des gens. Ne parle pas des boules de Marseille dans le public, s'il te plaît. Donc c'est la drache hein, toute la matinée et l'après-midi. Devrait faire un petit peu plus sec. Par contre, il fera pas froid aujourd'hui. Les températures tourneront autour des 10 degrés aujourd'hui. Et le vent sera très fort à la côte. Ah, on aura le vent en poupe. Expression 1985. Tout à fait, monsieur. J'ai mon âge et j'assume. En tout cas, on est ravis d'être avec vous ce matin. Ça va être une folie. Si vous avez pouvoir gagner du cadeau, les copains, vous n'êtes pas venus pour rien. Trop bien. C'est cool, hein. C'est chouette. Ils sont très contents. Mais ne serait-ce pas la Margot de Thomas? Si, c'est elle, elle est au premier rang, la meuf. Il est où, Thomas? Il est pas là, t'inquiète, on va t'en trouver un autre de Thomas. On écoute Marshmello maintenant avec Capillon sur Energy. On se met ça, on vient juste après, on va faire une petite prise d'ambiance. J'ai envie qu'on aille voir chacun parce qu'il y a des belles tenues. Ouais. Je vois que Madame, les deux demoiselles devant, c'est la paillette cette année qui est à la mode. Ah non. Madame aussi, sur le très très bien. Ça va être ne papillon pailleté, très bien monsieur. Très 10 beau. Sur 10. On fait un petit tour avec le public dans un petit instant sur Energy. Bon réveil, bienvenue. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right. I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside, but we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. Ce matin, il y a Post Malone qui va arriver dans un instant. On va faire un petit tempo game pour se mettre de bonne humeur. Mais avant, ça va être bien. Ah, ça va être très très chouette, le tempo game, j'adore. Avant ça, j'aimerais qu'on aille faire un petit tour dans le public ce matin pour faire un petit coucou à nos fifous qui sont là quand même. Dire bonjour. Il y a du beau monde, hein. Ah, ils sont beaux. Ils sont très beaux. Ah, pour être beaux, ils sont beaux. Bon, il y en a qui sont un peu moins beaux, mais ouais, on va pas dire ça. Oh, ça va, tout le monde est beau. Sauf un ou deux, mais on dira pas. Parlez pour vous d'abord, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on n'est pas au top du top. C'est pour ça qu'on fait de la radio. Évidemment. Alors, qui est avec nous ce matin? Je vois que tu es à côté de chers demoiseaux et demoiselles. Oui, bonjour. C'est quoi ton prénom? Pardon? Jenny. Jenny, tu as quel âge, Jenny? 12 ans. Ton papa est là? Oui. Ouais, ils écrivent à l'école des fans. Pour Jacques Martin, c'est trop chouette. Ah, c'est Jacques Martin qui fait flipper quand même. Ouais, je sais. Il était un peu trop sur le banc solaire. Ça va? Ça a été l'école? Oui. T'es contente d'être en vacances? Oui. Trop chouette. Bah, c'est vrai, c'est les vacances aussi. Ouais, bah ouais, évidemment. C'est le bonheur, les vacances. Jérém? J'ai Drake avec moi ici. Non, c'est Drouk, c'est le cousin de Drake. Moi, c'est Marcos. Marcos, mais oui, c'est Marcos, avec un os. Mais enfin, oui. Avec... Marcos avec un os, c'est logique. Marcos qui va représenter le public au niveau de l'ambiance. C'est vrai? Ouais, il paraît. Le mec a l'air emballé. Tu viens d'où, Marcos? De Bruxelles. Pêche, les gars. De Bruxelles. Ouais, j'habite juste à côté. Ah bah c'est cool. T'es venu à pied alors? Non, en voiture. Bah alors, c'est quoi ça? Je vais partir chez madame. Ah, c'est toujours la faute des femmes, toute façon. Hein. Madame qui se cache, on t'a vu. Bonjour, c'est comment ton prénom? Gladys. Gladys et Marcos, soyez bienvenus. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir dans notre beau studio. On a décoré, vous avez vu, on a mis les guirlandes de chaque côté. C'est tout ce qu'on avait. Ah non, il y a Tiffany. C'est vrai. Ouais. C'est une belle guirlande. Ouais, bah oui. Sans les boules. Sans du. Attention! Elle est là, la cagnotte, 5 euros! Bon, en tout cas, on est ravis d'être avec vous. J'aimerais faire un petit big up à ce jeune homme qui est avec un papillon doré. Ah ouais, mais c'est la classe, hein? Bonjour. Bah, bonjour. Bonjour, ça va bien? C'est comment ton prénom? Alexis. Alexis, sois le bienvenu, mon pote. Très beau nœud papillon. J'ai un petit cadeau pour vous. Oh, mais c'est quoi? C'est le logo, c'est génial! Viens! Ah ouais, ça, c'est gentil! Mais il est trop stylé! Merci Alexis. En plus de mettre des beaux nœuds papillons, il fait des beaux cadeaux. Super. Oh bah, t'as fait ça avec une imprimante 3D, non? Ouais. Mais c'est exceptionnel. Je montre à tout le monde les fifous, le 6-9 en 3D. Trop bien. Oh, trop stylé. On peut l'applaudir. Bravo. Bravo, ouais. Merci Alexis. On va vous mettre ça sur les réseaux sociaux, c'est les fifous du 6-9 sur Énergie, sur Instagram d'ailleurs, pour nous retrouver aujourd'hui. Est-ce que vous nous avez tous sur Instagram ici? Ceux qui... Il a des têtes de mytho. Ouais. J'ai reconnu madame là. Ici on a une mytho. C'est vrai. Elle l'a dit, elle a levé sa main. Eh ben ça tombe très bien, puisqu'on est bientôt à 1000 les copains. À 10 000. À 10 000, oui, parce que 1000, ouais. On est bientôt à 10. Bientôt à 10 000. Et si on y arrive, on va réserver une surprise de dingo. Donc on va tout faire pour y arriver ce matin, parce qu'on a 9300 quasi. Donc non, 9900. Il reste plus que 80 personnes. Ça va, ça sera fait. Merci beaucoup en tout cas, mon Alexis, pour ton cadeau. C'est un véritable plaisir. On va mettre ça sur notre page Facebook, justement, les fifous du 6-9. Merci, mon pote. J'ai une question pour Alexis. Ça a été les examens? Ouais. Et tu vois, je le mets là, il restera toute l'émission pour être sûr de dans quelle émission je suis. Toi. Merci beaucoup, Alexis. On revient tout de suite avec le son de Post Malone. Post Malone, merci, vous avez vu Poisson Rouge. Je fais un tour du studio, je sais plus. On écoute ça maintenant. On revient dans un petit instant avec du Tempo Game. C'est ce qui va arriver pour vous. Et surtout, ne changez pas, vous êtes beau. Même Tanguy, j'ai vu qu'il a fait l'effort. Ouais, le beau gosse. Vous l'avez vu, le BG qui est à 9h? Il est là! Il est là! Dans un petit instant, j'adore Léa Passy qui va arriver. On cherche un passage sans boussole, en dérapage, en survol, prend les virages. Léa Passy, on va écouter ça dans un petit instant et je vous rappelle qu'elle sera avec nous tout à l'heure aussi. C'est une invitée exceptionnelle que nous avons ce matin. Alice on the roof a répondu présent, elle sera avec nous. Alice on the roof sera notre invitée tout à l'heure, elle nous fera un live. Je sais pas si elle va faire la planète ou malade. Je pense que c'est quitter la planète. Oh, ou les deux, c'est généreux. T'as cru que c'était c'est discard. C'est belle. La meuf, elle croit que c'est un jukebox, tu vois, elle va mettre une pièce de... Et elle est partie, quoi. Elle est partie. Allez, chante. Alice on the roof avec nous tout à l'heure dans l'émission. Restez bien branchés. On revient dans un instant, on va se faire un tempo game. Et justement, il y aura un Alice on the roof. Oh non, mais c'est super dur, Marco. Fais le malin, ce sera pour toi. Non. A tout de suite sur Énergie, 6h16. Chaque samedi, dès 10h, vous découvrez les hits les plus chazamés en Belgique. C'est le Hit Énergie. Le classement de vos 30 hits préférés les plus joués sur Énergie durant la semaine. Tous les samedis, avec Jerem et Khalid. 10h midi, c'est le Hit Énergie. L'interdit. Osez le frisson de l'interdit. Le nouveau parfum. Givenchy. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit aux meilleures fêtes. Surtout ceux qui rêvent d'avoir un Noël blanc. Un Noël blanc ? Il n'y a rien de plus simple. Hein. Un bon cœur de cabillaud, là, bien ferme et bien blanc. Et voilà, le tour est joué. Jusqu'à lundi, notre délicieux cœur de cabillaud label MSC est à moins 30%, soit seulement 16,95€ le kilo. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Tous vos hypermarchés Carrefour et plus de 600 Carrefour Market et Express sont ouverts ce dimanche jusqu'à 19h. Ah, 92, grande année. En ce soir de Noël, Marc va déguster le vin. Faire tourner le verre, examiner ses larmes. Durant 2 heures, il va tout vous dire sur la rondeur, la longueur, les tanins. Il faut que les arômes s'expriment. C'est là que vous intéressez. Revenez, car soudain vous lancez... C'est l'heure des pochettes cadeaux. Il y a quelqu'un qui m'écoute là. Devenez la star des fêtes. Offrez des pochettes cadeaux remplies de billets à gratter de la Loterie Nationale. Bonne chance de fin d'année avec les pochettes cadeaux de la Loterie Nationale. Si la curiosité n'existait pas, vous n'auriez jamais été tenté d'acheter tous vos cadeaux à la FNAC. Alors ça c'est pour Sophie, et tout cela, c'est des cadeaux de moi à moi. Pour les fêtes, découvrez à la FNAC plein d'idées cadeaux pour vos proches et pour vous-même. FNAC, libérez votre curiosité. À la fois responsable de magasin et livreuse, elle sait tout faire. Elle, c'est Marie-Paul. Marie-Polyvalente, vendeuse de primeurs. Elle a plus d'une corde à son arc avec son nouveau Citroën Berlingo Van équipé de 20 aides à la conduite et de la navigation connectée. Nouveau Citroën Berlingo Van. Comme vous, il sait tout faire. Élu International Van of the Year 2019, disponible en deux longueurs à partir de 129€ par mois. Et 50% sur toutes ses options. Citroën. Offre réservée aux professionnels. Conditions sur business.citroën.be. On va se faire un petit tempo game. Vous vous souvenez, on met la musique, on baisse d'un seul coup, il faut garder le rythme. Ce que Jérém maîtrise à la perfection d'ailleurs. Ça sera dans un instant. Avant ça, un point sur les routes, mon Yannick. Eh bien Marco, pour l'instant ça roule plutôt bien ce matin. On signale juste un accident. La voie de gauche est bloquée sur le ring intérieur de Bruxelles, à Jette précisément. On perd la mesure du temps. On attend, on s'y bat maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On se laisse porter par le vent. On sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus fort. S'arrêter un instant, enlever le gris des couleurs, des sentiments. Envie de parcourir la terre, à l'endroit puis à l'envers. Toucher du bout des doigts nos rêves tant qu'on peut le faire. Si on rêvait plus fort. attend, on se dit pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On cherche un passage sans boussole, en dérapage, en survol. On prend les virages, faut coller au sol. Y'a pas de stage, pas d'école. Alors on prend des notes au vol. Des photos de nous qui dénotent, on les décolle. On prend des notes au vol. Des photos de nous qui dénotent, on les décolle. On cherche un passage sans boussole. De nous qui dénotent, on les décolle. Des photos de nous, Léa Passy, ça ne dénotera jamais, sache-le. Oh, c'est beau ce que tu dis. On dirait de la poésie. De la prose, monsieur, de la prose. Jason Derulo qui va arriver dans un petit instant sur Énergie. Avant ça, d'accord. Voilà. C'est un extrait. Hein. C'est pour vous montrer à quoi ressemble Jason Derulo au cas où vous ne l'avez jamais entendu. Dans un petit instant, on va écouter ça. Avant ça, on va faire un tempo game. Tempo game, c'est simple. Je vais mettre une musique, comme admettons ça. Et d'un seul coup, je coupe, mais il faut continuer. Mais il n'y a pas de parole sur ça. Oui, non, mais c'est un exemple. Et puis, hop, on remonte la musique. Et là, il faut être synchronisation extraordinaire. Pico Bello. Vous voulez un exemple avec Jérém? On va attendre. Non, non, non. Non. On va garder le meilleur pour la fin. Allez. On va faire avec, tiens, Frisco. Ouais. Et avec vous aussi, les fifous qui sont là ce matin, et vous aussi dans la voiture. Allumez le feu de Johnny Hallyday. Ouh. Tu as okay. Les paroles. Non, c'est toi qui as les paroles. Voilà, je vais les avoir. Hein, ok. On voilà. Est équipé. Et voici, monsieur. Allumez le feu. Donc, je, voilà, moi, Frisco, Johnny. Ok, d'accord. Heureusement, il est mort. Ah, il va se retourner. C'est méchant, là. Mais non, mais il veut pas entendre ça, à mon avis. Ah oui, ah, ça, c'est clair. Voilà, voilà, voilà. Tu peux mettre 5 euros dans la cagnotte pour moi, je donne. On va même monter à 10 balles, quand même. On y va, mon Frisco, Johnny ouais. Hallyday. Allumez le feu, c'est parti. Vas-y. Hey, je veux être au Stade de France. Attends, parce qu'on chante pas, à quoi ça sert? Ah, que Johnny. Tourner le temps à l'orage. Comment faire? Revenir à l'état sauvage. Forcer les portes, les barrages. Sortir le loup de sa cage. Sentir le vent qui se déchaîne. Battre le sang dans nos veines, ouais. Monter le son des guitares et le bruit des motos qui démarrent. Bravo, t'as rien. Ah, il est fort. Oui, d'un geste. Ça il suffira. Il a lancé là. Ouais. Faut le sortir, s'il vous plaît, sorteur. C'est magnifique. Eh bien, Frisco, vous voyez, ça c'est le talent. J'appelle voilà. Ça le talent. Merci. Un oui, point oui, pour Frisco. Oui, nous allons voir si Jérém, avant que... C'est comment ton prénom? Estelle. Estelle. Présente-nous Estelle. Ah oui, bah, c'est Estelle qui a 22 ans. Elle est étudiante en traduction à l'UCL. Elle aime bien faire du shopping et d'ailleurs, elle est aussi un peu dans la mouise hein, pour les cadeaux de Noël cette année. Alors, son émission mon préféré, c'est Koh-Lanta qu'elle regarde souvent sur TF1. Son plat préféré, c'est les sushis. Et alors, son plus grand rêve, ce serait de faire un road trip aux États-Unis. Oh yeah. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Route 66. Eh bien, okay. Je te laisse choisir ce matin Alice on the Roof ou Maître Gims Vianney. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Qu'est-ce que tu sens maîtriser le mieux, Estelle? Aucun. Ok, c'est chouette. Prends Alice on the Roof. Non, non, prends Alice on the Roof. Il est plus facile, je vais t'aider. Comme ouais. Ça, on laisse Alice on the Roof pour notre ami Jérém. Ça, c'est pas sympa, les gars. Moi, je vais aider. Allez, on y va, Alice. Non, pas Alice on the Roof. Maître Gims, Vianney, la même. Sinon, c'est trop facile. Parle bien dans la je sais que ça démarre en disant mes amis, mes copains, un truc comme ça. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller, même si les instants sont des flammes de ma partage au Facebook. Aïe aïe aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Allez, on finit en beauté quand même avec toi, mon Jerem. On n'a pas rapidement le temps, on doit lancer la suite, Marco. Je sais, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir. Voici Alice on the Roof, malade, par Jerem. C'est surtout, Alice, si tu es déjà dans la voiture pour venir, coupe la radio. C'est pas le moment de couper. Oui, oui, écoute une autre. Alors, guise de me déguiser, j'ai tout, tout écouté. Sur le comment je devrais, même ma voix très mollo. M'amenez-moi, me laissez aller, je devrais pas. Presse, maman qui me l'a dit. Le refrain. Mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. Elle n'est pas comme moi. Maladie. Malade. Mais je ne pense que ce sont qu'à des fous. Malade. Ils pensent qu'on est fou qu'avec des genoux. Malade. Allez, on écoute Suzanne Derulo tout de suite sur Énergie. On revient juste après. Oui, il vaut mieux faire très vite. On écoute ça maintenant sur Énergie. Qu'est-ce qu'on a de beau pour la suite? On va se faire quoi? Oh, le mot gagnant. Ça va être un cadeau pour vous. Et puis après, on va déballer nos cadeaux aussi. Je vous rappelle qu'on a fait une cacahuète, les copains. Oui, et Estelle peut prendre un cadeau sous le sapin. Oui. Le sapin est là-bas, les cadeaux sont là-bas. Estelle, tu peux aller là-bas. Sur Énergie, Will Brie, il parle, il continue. Ah oui, pardon, excuse-moi. Non, je disais juste que Estelle, elle a pris un cadeau, elle a pris le plus gros qu'il y avait sous le sapin. Eh ben, tu as bien raison, Estelle, j'aurais fait la même chose, mais c'est pas souvent où il y a les meilleurs cadeaux, sache-le. Dans un instant, le mot gagnant sur Énergie et les infos à 6h30, ne bougez pas. C'est le 6-9. Sans curiosité, vous n'auriez jamais trouvé à la Fnac les cadeaux qui font vraiment plaisir. Ça vient de la Fnac ? Oh, merci ! Ben, ouvre-le d'abord. Ah oui. Fnac. Fnac, libérez votre curiosité. Nous allons jouer sur Énergie, DJ Snake qui va arriver côté hit. Avant ça, voici un point sur la météo pour aujourd'hui. Et c'est pas terrible aujourd'hui, c'est la pluie toute la matinée. L'après-midi devrait faire un petit peu plus sec. Par contre, il ne fait pas froid, les températures tourneront autour des 10 degrés aujourd'hui. Le vent sera par contre très fort à la côte. L'actualité de ce 21 décembre avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. Les salaires nets augmenteront à partir du 1er janvier. L'entrée en vigueur d'une nouvelle étape du tax shift fera augmenter votre salaire net. Le tax shift a été introduit par le gouvernement Michel afin d'augmenter le revenu pour les travailleurs et ainsi leur pouvoir d'achat. Une mesure réalisée en plusieurs phases, étalée sur les années de 2016 à 2019. Le Parlement a approuvé hier soir la loi de finances. Elle permet d'assurer la continuité des services de l'État de janvier à mars. Cette loi a été votée à la quasi-unanimité, le PTB s'est abstenu. Le Vlaams-Belang a lui voté contre. Depuis le départ de la NVA de la coalition fédérale, le gouvernement Michel ne dispose plus de majorité. Le Premier ministre Charles Michel a donc annoncé que son gouvernement demanderait au Parlement de lui accorder du pouvoir en plus pour assurer la gestion courante de l'État. La direction de Bpost a conclu un accord avec les syndicats. La direction et les partenaires sociaux ont conclu une convention collective de travail pour la période 2019-2020. Selon Bpost, les mesures visent principalement à augmenter les salaires, augmenter les jours de vacances et enfin, il prévoit également de recruter 1000 collaborateurs supplémentaires. Greenpeace a déposé hier une pétition au Palais Royal. Celle-ci a été signée par quelques 70 000 personnes. Ils appellent à l'action face à l'urgence climatique. Comme les politiques ne semblent pas vouloir réagir, nous appelons le roi à soutenir notre combat pour le climat. Voilà ce qu'a indiqué l'ONG. À l'étranger, le président Donald Trump a décidé de retirer un nombre important de troupes américaines d'Afghanistan. Quelques 7 000 des 14 000 Américains présents en Afghanistan seraient concernés. Et enfin en sport, Thierry Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul ont décroché cette saison 3 victoires et un 4e titre de vice-champion du monde. Ils ont été élus tous les deux Driver of the Year lors de la soirée des RACB Awards. C'est la première fois dans l'histoire de ce trophée qu'un copilote est récompensé en même temps que son pilote. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. Oh oh. C'est le 6-9 qui vient te réveiller. Oh, je suis crevée ce matin. C'est pas la pêche, hein. Prends un café. Ah non, j'aime pas le café. Écoute le 6-9 sur Énergie, alors. Je vais peut-être prendre un café, finalement. 6h34 sur Énergie, bonjour. Bonjour. C'est la dernière de la semaine avec les Fifou qui sont venus nous voir ce matin. Alice Ondo sera notre invitée. Mais c'est qu'ils ont le rythme, ces Fifou, c'est incroyable. On espère que tout va bien ce matin, en tout cas pour vous. Dans un petit instant, DJ Snake qui va arriver à 6h34. J'espère que ça va bien l'équipe. En oui, pleine forme. On est en pleine forme, on est heureux. Il fait ultra chaud dans ce studio, mais tout va bien. Non mais c'est un pur bonheur ce matin. Ouais, et on génial. A Mickey et Flo qui ont fait aussi l'effort, qui se sont sapés comme jamais. Ça va les gars? Comme jamais, ça va très bien. Ça et va même. Toi bonjour, oui, bonjour. Ouais, bonjour. Costume rouge pour notre ami Flo. C'est un costume sapé, mais de Père Noël sapé, tu vois. Il est beau, il est beau, il est beau. C'est le Père Noël sapé et Mickey sobre noir. Classique, voilà. Ouais, ouais. Il a retiré la barbe. Et c'est vrai, ça. Ouais, exactement. Ouais, incroyable. Je me suis dit, bah, juste pour l'occasion, juste pour aujourd'hui. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. 15 kilos. Je la remets demain. Pour la livraison, tu en auras besoin. Dans un instant, DJ Snake, on écoute ça même maintenant. Pourquoi je dis dans un instant? Mais ça tout de suite et on revient juste après avec un petit mot gagnant. Est-ce qu'il y a un fifou qui a envie de faire un mot gagnant dans les... Ouais, il y a des mains qui se lèvent. Ouais, trop chouette. Et bon, on va tirer au sort parmi vous. À tout de suite. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. I music, I flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki. Quieres un besito o un aquí, Uri explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. No le baje, el booty sobresale de tu traje. No trajo panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. Touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. Bonjour, on est en public. On espère que tout va bien, c'est vendredi, c'est la fin de semaine. Et quelle bonne nouvelle, c'est les vacances, surtout pour certains. Dans quelques heures, dans... Ah, ça c'est pour nous à 9h, hein, mais pour d'autres ça sera ce soir. On va bien profiter. Qui est déjà en vacances dans le public? Oh bah ça, quasi tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est la fête, c'est la fête. Nous allons jouer au mot gagnant ce matin. Qui vient jouer avec nous, Tiffany? Eh bien, c'est Valérie qui est prof en option secrétariat à l'école Marius Renard, ici à Anderlecht. Elle est mariée, elle a 3 enfants, dont 2 qui sont là, Clément et Mathis. Le petit dernier, Sacha, lui, il est resté à la maison. Hein. Alors, elle aime bien... C'est normal, il avait 2 ans. Bah oui, bah voilà. Oui, bah oui, oui. Elle aime les voyages et sa plus belle destination, ce serait d'aller aux Caraïbes. Et puis, elle a un peu honte, hein, mais son émission de télé préférée, c'est Les Anges de la télé-réalité. Oh non, oh, c'est pas possible. Son plat préféré, les chicons. Les gens qui font « Ouh !» Une minute de silence. Oui, ça y est. Son plat préféré, les chicots en gratin. Et puis elle adore les Backstreet Boys, qu'elle va aller voir en concert en mai à Anvers. Ouais. Bon, à mon avis, ils ont pris un coup de vieux quand même, hein, non? Ouais, mais il y a le lifting, hein. C'est vrai que les imprimantes 3D ont fait des choses extraordinaires aujourd'hui. La preuve, regarde, ils font la même chose avec leur visage. Nous allons jouer ce matin avec toi, Virginie, à un mot gagnant. Valérie, pardon. Ça finit en I, c'est pareil. Ça démarre par un V, ça finit par un I. Dans deux secondes, ça sera comme tu veux. Sophie. Monique. Nous allons jouer. Valérie, nous allons jouer au mot gagnant. Tu vas avoir 20 secondes pour me donner tous les mots qui te passent par la tête, démarrant par une lettre. Et tu vas jouer avec quelqu'un de l'équipe qui va sortir du studio d'ailleurs. Tu veux qui, Frisco, Jérém ou Tiffany? Tiffany. Oh, allez, trop bien. Non, c'est juste qu'elle a pas envie de te voir. Et parce Tiffany, que ça sent un petit peu. Retiens ton casque. Oh, toi. Allez. Et tu peux partir. Allez, oui, merci. Oui, alors tu reviens vers 9h, 9h15, hein, ça voilà, va allez. Non, elle est pas belle franchement aujourd'hui, Tiffany. Ouais, ouais. Elle est trop stylée. Pourquoi t'as dit aujourd'hui? C'est pas sympa. Bah, parce qu'aujourd'hui on est beau, c'est ça que je veux dire. Enfin, on est censé être beau. Valérie, 20 secondes et non pas 30. Où est-ce qu'il est le chrono? Il est là. Tu es prête? Oui. Les gars, vous êtes prêts à écrire? Parce que là, ben on est en radio 80, on a plus d'ordinateur ce matin. Ouais, c'est ça. Attention, jingle. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Momo gagnant. Ils sont formidables. Le mot gagnant, et on va faire la lettre N comme Noël. Ça arrive, ah ouais, oui, ça arrive bien. Bientôt, beau, donc ça. Voilà, N comme Noël, 20 secondes, c'est parti. 3, 2, 1, go Valérie. Noël, né, notre, énergie. Oui, c'est vrai. Nu. Oh. Nouille, New York. Niche. Nichon. J'aime beaucoup celui-là. Nuisette. Nuit. Nain. Nettoyer. Nettoyage. C'est fini. Eh, y a j'ai noté du que tout Nichon. Pas du tout. J'ai noté que Nichon, Laura, j'étais bloqué. C'est parce que t'as regardé le premier rang que t'as dit ça. Bah, oh, Il faut le dire, on est en radio, il faut le dire. Il y en a une qui a mis un gros décolleté, c'est Noël, elle a raison. Elle m'a inspiré. C'est voilà, elle va mettre son pull maintenant. Alors, s'il vous plaît, vous l'accueillez comme si elle arrivait au Stade de France, tu vois. Ouais, ouais. Faites un maximum de bruit pour Tiffany, s'il vous plaît. Elle comprend est magique. Pas. La nana, elle passe sa tête comme ça, elle fait. C'est moi qui se passe. Elle a les doigts dans les oreilles, elle passe. Ses... Tu es formidable, je te jure, tu es formidable. Tiffany, voilà. Reviens parmi nous. Oui. Mais j'étais plus loin, j'entendais rien et je me suis dit si vous venez me chercher après. Tiffany, voilà. 20 secondes, la lettre P. P, non. Papa, perroquet, paradis, P. Mais elle a dit non, c'est pas la mauvaise. C'est pas la bonne. Allez, la lettre, allez. La vraie lettre, Noël. Enfin, N. N. On retire Noël. On retire Noël. Ah non. Dommage. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Noël, nana, nez, narine. Bravo. Oh, Michon aussi, on vient de faire un son dans le studio. Eh bien, c'est gagné, bravo. Ce jeu est très simple à faire, vous pouvez le faire chez vous, hein. C'est ouais. Très simple. Alors, vous pouvez vous amuser à la personne que vous dites de partir, vous lui dites de jamais revenir. Ça peut être un chouette jeu. Bravo Valérie, on t'offre du cadeau. Super, merci beaucoup. Il y a un beau sapin là-bas, okay. Avec des beaux papiers cadeaux. Alors, ils sont écolos nos papiers, il faut savoir. Le patron est très écolo. Il fume la forêt, tout ça. Donc... Non, mais c'est vrai, on est très écolo, empreinte neutre ici chez Énergie. Donc, c'est du papier journal. Voilà. On a recyclé, c'est du beau papier cadeau. Tu peux aller en chercher, hein, Valérie, c'est merci avec plaisir. Beaucoup. Bravo, bravo, Valérie. On écoute Claude Luxury maintenant sur Énergie. On revient juste après. Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Où est-ce que j'ai mis la feuille? C'est génial. On va déballer les cadeaux. À nous déballer les cadeaux. C'est vrai? Oui, la cacahuète. Hey. Hey, don't make a sound. 2 AM low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the six. You wanna down in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my. Losing all my innocence, yeah, body of mine. Riding on my innocence, yeah, body of mine. Losing all my innocence, yeah, body of mine. Riding on my innocence, yeah, on my. Incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in the six, you wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Faire avec Ellie Goulding dans un instant sur Énergie. I don't wanna be somebody without your body. Close to me. Ouais, ça va, on chante, on fait comme vous. Hein. On sait très bien que vous sous la douche ou dans la voiture, on vous entend. Hein, chanter comme des casseroles, il n'y a aucun souci. C'est vendredi, on est en public. On va dans un petit instant déballer nos cadeaux si vous le voulez bien. On a fait une cacahuète, je vous rappelle. Rappelons très rapidement qui avait tiré qui. Enfin, au sort, évidemment. Oui, évidemment. On se calme. Moi, Frisco. Moi, j'avais tiré Jérém. D'accord. Moi, j'avais tiré Marco. Et moi, Tiffany. Ah bah, félicitations. Et Tiffany. Et moi, j'avais tiré Aurélie, mais comme elle est en vacances, eh bien, ce sera pour Yannick. Et donc, Yannick m'offre un cadeau. Ah, Yannick de la rédac. Il est là. Ouais, Yannick, s'il vous plaît. Oh, le BG. Il a fait tomber la chemise, il a fait tomber la veste. Le mec, il a poil. On fait la cacahuète, on s'offre les cadeaux, c'est juste après sur Énergie. A tout de suite. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. Oh. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter to the fall, it'll be alright. Énergie. It's music only. Macro, vous avez tout d'un pro. Des huîtres au plateau de fruits de mer composés par vos soins, de la langoustine au homard, en direct de la mer ou dans notre incroyable rayon surgelé, Macro, c'est aussi le plus grand marché aux poissons. Macro est également ouvert ce dimanche 23 décembre pour tous. Macro, vous avez tout d'un pro. Jusqu'à dimanche, les huîtres plates de Zélan calibre 2 sont à 6+6 gratuites et couteau inclus. Vous cherchez un excellent parfum ou un cadeau beauté à offrir? Chez Ici Paris XL, nous nous ferons un plaisir de vous aider en parfumerie ou en ligne. Ici Paris XL, tellement plus qu'un cadeau idéal. Pour tous les moments qui comptent, faites confiance à Vandenborg. Dis, t'es en train de faire quoi là? Je suis en train d'acheter des billets pour la Chine. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu vas faire en Chine? Bah, attends, l'année dernière, j'ai dû attendre février pour que mon cadeau Noël arrive jusqu'ici. Alors, je te jure, cette année, je vais aller le chercher même. Wow! Chez Vandenborg, vous trouverez toujours un cadeau de Noël à temps. Commandez votre cadeau avant 22h30 sur vandenborg.be et faites-le vous livrer gratuitement le lendemain. Vandenborg, la confiance. Tous les magasins Vandenborg sont ouverts ce dimanche. Parce qu'on peut avoir envie d'une voiture avec un max d'équipement. Front assist, GPS, cruise control, infotainment, là vous m'impressionnez. Hein. Tout en bénéficiant de mini prix. Waouh, ça c'est une belle offre. Là, vous m'avez persuadé. Skoda vous offre de super conditions salon. Découvrez la Skoda idéale pour tout ce que vous êtes sur skoda.be. Skoda, simply clever. Info et conditions sur skoda.be. C'était le soir de Noël, où la magie opère dans les chaudières. Tous étaient venus les bras chargés de chaudières. Mais à table, l'ambiance était devenue complètement chaudière. Un problème de chaudière peut gâcher vos bons moments. Pour l'éviter, découvrez la garantie chaudière de Luminus sur luminus.be/chaleur. Marie Détias, bonjour. Oui, bonjour. J'ai eu un accident et j'ai des palpitations. Oh, mais si c'est à cause du stress, rassurez-vous, chez nous, vous ne payez pas de franchise. Ah oui, je sais, c'est super, mais voilà, c'est l'autre conductrice. Comment ça? Oui, mon cœur s'emballe pour elle. Mon cœur me chante. Une Omnium sans franchise, c'est le coup de cœur assuré. Vous aimez? Etias aussi. Demandez maintenant une offre et recevez 2 mois gratuits sur notre assurance auto. Infos et conditions sur etias.be. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Aucun ralentissement prévu au rayon crustacés. Les huîtres sont disponibles au meilleur prix chez Intermarché. Et puis building dans un instant. Pardon, on rigole parce qu'il y a Fifou dans le public qui nous dit qu'il a fait 5 mois qu'il est avec sa femme et qu'elle est enceinte depuis 8 mois. Comment t'as fait? Non, elle va accoucher dans 8 mois. Ah, pardon, j'avais pas compris. Ellie Goulding, un petit point sur les routes, mon Yannick. Alors, on signale un accident, la voie de gauche est bloquée sur le ring intérieur de Bruxelles, à Jette précisément. Un autre accident sur le ring extérieur de Bruxelles, à Wezembeekoppen. Et enfin, la chaussée est fermée sur la N28 de Hall à Ninove. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't. too close for comfort. I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber. Iced out body, didn't go to college. Price tag popping, then you on the private. Don't say sorry, everyone's watching. When you're where I am, everything's timeless. And I don't wanna be somebody without your body close to me. And if it wasn't you, I wouldn't want anybody close to me. Close to me. Close to me. Yeah. Dans un petit instant, Colby Kaya qui va arriver. En attendant, nous allons, s'il vous plaît, ouvrir nos cadeaux ce matin. Puisque nous avons fait trop bien une cacahuète, on le rappelle, chacun a dû s'offrir des cadeaux. Jérém, à qui devais-tu... Ah, c'était pour moi. Alors, regarde ce bel emballage que ma... C'est pas moi qui ai fait, hein. Ça, c'est trop joli. S'il te plaît, Marco, c'est pour toi. Alors, il y a une petite explication. Je sais que tu aimes les instruments de musique. Non, ne me dis pas... Tu m'as dit que tu voulais... Quoi ? J'ai peur. Je sais pas, vas-y. Je t'offre ça parce que je sais que tu aimes... Bah voilà, ouvre. Bon, on n'a jamais tous ce réflexe de secouer le cadeau alors que ça ne change rien. Je veux dire, tu ne sais toujours pas plus ce qu'il y a dedans. Merci mon Jérém. Mais de rien. Moi je suis touché. Il y a une brindille de sapin. Non, c'est pas vraiment du sapin, c'était la haie du voisin. C'est du basilic. C'est du romarin. Mais c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Beau cadeau. Vas-y, ouvre, arrache, arrache. C'est trop bête parce que du coup tu pouvais récupérer. Oh, trop bien! Alors, explique ce que c'est parce que je sais que tu aimes énormément le piano et que tu as dit que tu voulais t'y remettre. Ah, bah là, oui, je vais m'y remettre. Là, c'est un piano à queue, on peut le dire, puisque c'est un piano que nous devons mettre dans les toilettes. Voilà, comme avec les pieds. Ouais, c'est le truc qui fait le tour de ta cuvette, tu vois, et t'appuies avec tes pieds pour jouer du piano. J'aimerais pour la rentrée que tu nous joues Petit Papa Noël ou Frère Jacques, où vas-tu? Aux toilettes. Eh ben, merci beaucoup. Bathroom piano. Merci, merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Ah, j'ai eu peur parce que le connaissant, je me suis dit qu'est-ce qu'il va m'offrir comme cadeau. Mais en plus, tu me dis que toi, quand tu vas aux toilettes, tu fais ça super vite. Prends le temps. Prends le temps d'être sur ton trône, de pianoter avec tes pieds et faire Frère Jacques. De pianoter avec tes pieds, c'est bien. On m'appellera Beethoven dans quelques temps, t'en fais pas. Tiffany, à qui devais-tu offrir un cadeau, toi? Oh là, moi je devais offrir à Yannick. Oh voilà, mais par contre, attends, parce que j'ai pas du tout prévu. Il est énorme. Ouais, non, mais rassure-toi, j'ai juste oublié d'enlever ma robe qu'il y avait dedans. C'est magnifique. La nana, elle enlève tout du sac et puis tiens, la petite boîte. Donc voilà, alors l'emballage n'est pas très beau, mais je me suis dit que de toute façon, on n'allait pas s'embarrasser de papier. Hein. Qu'il ne jugerait pas. Voilà. Alors, je t'ai choisi un petit jeu à mettre sur la tête, donc c'est une sorte de chapeau où c'est un peu liant quand même, non? Bah c'est surtout comme t'as pas beaucoup de cheveux, on s'est dit que c'est pas. Moi je me suis dit que c'était pour cacher ta calvitie. Alors venez voir les cadeaux, on est en live sur Instagram, c'est les fifous du 6-9 sur Énergie. On vous attend sur Instagram, on est bientôt à 10 000 et on réserve une grosse surprise d'ailleurs si on y arrive. Donc venez nous rejoindre, comme ça vous voyez les cadeaux. J'ai l'impression que vous avez tous été au même endroit en attendant pour l'instant. Oui, on a tous été au même magasin. C'est un magasin où il y a plein de gadgets qui sert à rien. Bon, en tout cas, ce qui est bien avec le panier basket sur ta tête, les balles ne rebondiront pas. Bah non. On va pouvoir bien jouer. Non mais on jouera pas à ça. Je si. Frisco. Ouais. C'est pour qui que tu devais offrir? C'est pour Jérém. Pour Jérém. Voilà. Tiens mon poulet. Merci. Oh dis, vous avez tous fait des beaux emballages. Mais oui, en fait. Dis-moi. Ouais, c'est ma copine. Y a que moi. C'est ma copine qui l'a fait. Et comme toi je sais que t'es très jaloux de Marco, on t'a offert le même cadeau. C'est magnifique. Ah bah, franchement, non, Eh les gars, je suis sérieux, j'ai pas le tempo. On sait même pas quoi. Mais on va s'entraîner et on va faire Frère Jacques, où vas-tu aux toilettes ensemble. On va faire un duo au piano. En plus, non, chez Énergie, il y a deux toilettes côte à côte, on pourra faire un duo chacun. Ah mais ça, il faudra faire un film. Hein. Non mais sans déconner, en plus je l'ai acheté avant toi et même je l'ai dit à Marco, j'ai dit mais oui. Je lui ai acheté ça, etc. Et puis quand tu me dis j'adore la musique et que je savais que t'étais dans ce magasin, je fais oh non, il a pris la même chose que moi. Allez, il nous reste qui moi, Yannick encore coup. Et moi. Vas-y Yannick. Laisse-moi deviner, c'est un piano. Non, j'ai pas été dans votre magasin moi. Donc moi je devais offrir à Frisco. Alors faut savoir que Frisco m'ennuie tous les jours avec Charleroi, Anderlecht, machin et tout. Et en plus c'est Noël, donc non. Un petit bonnet de Noël aux couleurs d'Anderlecht. Bravo. Mais je peux pas mettre ça. Mais si, tu peux mettre ça, tu dois mettre ça. Il y a des Carlos dans le public qui font ouh. Toi, tu vas pas rentrer chez toi. Non, c'est vraiment parce que j'aime cette émission et ta tête, je même pas dedans, je crois. Si, regarde, ça lui va comme. T'as surtout une belle tête, ouais. Et bah, ton défi, Frisco, c'est d'aller à Charleroi avec ce bonnet. Mais t'es malade. Franchement, je peux m'en sortir. Si ça avait été Standard de Liège, je me fais tuer. Mais ça. Je rectifie, t'iras au Standard de Liège. Et enfin, on finit, Tiffany. Allez. Je devais t'offrir un cadeau. Je te le dis tout de suite, je l'ai regretté. Ah, c'est vrai ? Pourquoi ? Parce que ça coûtait une blinde. Tu t'es dit que tu voulais l'avoir pour toi ? Non, je me suis dit que c'est peut-être pas. Oh là ! Eh bien, je vais vous emmerder. Quoi ? C'est un petit kit pour emmerder le monde. Donc, plus de 200 000 emmerdeurs conquis, eh ben c'est top. Mais pourquoi tu lui as acheté ça ? Elle le fait déjà naturellement. Ouais, c'est ce que je me suis dit une fois que je suis passé à la caisse. L'indispensable pour pourrir la vie de votre entourage. C'est voilà. Top. C'est tout ce qu'il me fallait. Merci Marco. C'est chouette, je offre ça juste avant les vacances. Hein, ça a 15 jours pour potasser la boîte. On est foutu les gars à la rentrée, je vous le dis. Allez, bougez pas, on revient dans un instant sur Énergie en direct et en public. Ouais. C'est le 6-9. Young money. Hand on your hand. Chest on your chest. Tangled in bed, but I'm feeling you less. You know my love ain't free. Why do you make believe? Why do you sell me dreams? SMS in the morning light. We gotta fence it. The fire no longer blesses. I woke up on the wrong side of you. Don't even know that I left through ya. Can't handle my love. Can't handle your lies. No friends, all to my love. Good burning all of my time. Votre dinde de Noël à partir de 3,78€ le kilo. Un prix complètement dinde. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Bonjour. Magique. Amenez-moi la dinde de Noël. Non, elle était toujours dans sa cage, la dinde, désolé. Des idées cadeaux pour chacun et tous les budgets, trouvez-les chez Crefel ou sur crefel.be/kdo. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Flo, c'est magique. Un petit point sur la météo pour aujourd'hui, ça donne quoi Yannick? Mais aujourd'hui c'est la drache toute la matinée, l'après-midi il devrait faire un petit peu plus sec, par contre il ne fera pas froid du tout pour la saison. Les températures tourneront autour des 10 degrés aujourd'hui, le vent sera par contre très fort à la côte. Open back qui va arriver côté Tech Paradise, 7h01, on s'informe, voici l'actu de ce 21 décembre avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. 6 Belges sur 10 ne souhaitent pas d'élections anticipées. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par RTL et VTM. La plupart des Belges, même en Flandre, jugent que la NVA est responsable de la chute du gouvernement fédéral. Près d'un cinquième des personnes interrogées n'a en fait aucune préférence quant à la date des prochaines législatives. À partir du 1er janvier, tout le monde payera 60€ pour un trajet en ambulance. C'est la ministre de la Santé, Maggie de Bloch, qui a voulu uniformiser les factures. Peu importe où le patient sera pris en charge ou vers quel service d'urgence il sera transporté, chaque patient paiera le même montant. La ministre voulait également apporter plus de clarté. Louer une voiture pour apprendre à conduire, c'est désormais possible. La start-up Conduct permet désormais de louer des voitures spécifiquement adaptées pour l'apprentissage de la conduite. L'élève doit être accompagné d'un membre de la famille ou d'un ami possédant un permis de conduire depuis au moins 8 ans. Le tarif, 15€ par heure, les voitures sont louable partout en Belgique via conduct-belgium.be. À l'étranger, le ministre de la Défense américain Jim Mattis va quitter ses fonctions à la fin février. C'est Donald Trump qui l'a évoqué sur Twitter. Le ministre américain de la Défense a présenté sa démission. Il a reconnu des divergences avec le président et lui a d'ailleurs adressé une lettre qui a été rendue publique. Et enfin en football, ouverture de la 20e journée de championnat ce soir. Gand accueille le club de Bruges pour un derby des Flandres. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. Quand on réveille une semaine passionnée, le réveillon a déjà commencé. J'adore. Il est 7h03, bonjour. Bonjour. On est en public ce matin, comment ça va le public? Nous sommes en live Facebook sur Énergie Belgique. Les copains, venez sur la page Énergie Belgique puisque nous allons chanter Noël. Ouais. On aime Noël. Ouais. Voici le medley de Noël. You better watch out, you better watch out. You better watch out and better watch out. Santa Claus is coming to town. Hey, jingle bell, rocks. Jingle bell rocks and jingle bell rocks. Jingle bell rocks and jingle bell rocks. Jingle bell rocks and jingle bell rocks. Jingle bell, all the way. Beauté, les copains. Are you ready for Mariah Carey? Yeah. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. And I don't want a lot for Christmas. And I need a Christmas tree. 1, 2, 3, 4. Facebook, un gros bisou à Greg, à Wendy, à Hervé qui était là, à Bastien aussi, à Dany. Bonjour, bonjour avec Mickey et Flo pour ce beau medley de Christmas. Bravo. Et il faut le dire, Flo, il fait du beatbox, il fait tout ça avec sa bouche, avec son pet de temps en temps. Il y a Mickey à côté au clavier, ils sont hyper talentueux. Lui, il fait du piano avec des moufles. Ouais. Ouais, Mickey, il a pas de doigts. Vraiment, venez voir ça, le Facebook Énergie Belgique, et puis on mettra les vidéos bien évidemment sur énergie.be. Offenbach, on écoute ça tout de suite, on revient juste après. On va faire Où sont les mots, tiens, justement, avec Mickey. Il cache un mot dans les chansons. J'adore ce bien. C'est juste après Offenbach. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, you're smiling and taking my baseball cap. Elle sera avec nous dans un petit peu plus d'une heure maintenant. Alice on the Roof. Malade. Et elle sera pas sur le toit. Il y a plus de son. Malade. Voilà. Merci Flo. Oh, on se rend pas compte, mais Flo qui est dans le studio, qui fait la réalisation de l'émission aujourd'hui, est un génie. Il vient de me sauver la vie. Alice on the Roof qui arrive tout à l'heure. On va écouter son titre dans un petit instant. Avant ça, j'aimerais qu'on joue ensemble ce matin à Où sont les mots. Ouais. On vous a réservé, les fifous, pour ceux qui sont venus dans le public, une surprise. Est-ce que vous avez déjà entendu la séquence Koh-Lanta? Oui. Ouais. On va en faire un ce matin. Oh. Ouais, trop on fera bien. Un conseil Koh-Lanta tout à l'heure, donc restez bien branchés. Avant ça, Où sont les mots avec Mickey et Flo. C'est donc Mickey et Flo qui nous ont préparé un petit jeu. Avant de commencer, ils ont préparé le jingle. Soyez attentifs, vous allez voir, c'est le jingle de l'année. Ouais. Jingle. Où sont les mots? Voilà. Et j'aime bien, il y a des gens qui applaudissent. Oh ouais, ça fait vachement des heures de boulot. Qui vient jouer avec nous ce matin? C'est Olivier qui a 14 ans. Il est étudiant en économie à l'Athénée Royale Jules Destré, du côté de Marcinelle, hein, dédicace Charleroi. Il est passionné de radio, d'ailleurs, il en fait chez lui. Et puis, il aime regarder des vidéos sur YouTube. Olivier, mesdames et messieurs. Bonjour Olivier. Bonjour. Sois le bienvenu, nous allons jouer à Où sont les mots. Mickey et Flo vont jouer des morceaux. À la guitare. Oui, c'est parce que Marco fait le geste de la guitare alors qu'il y a un piano. Tout à fait logique. Où sont les mots? Et donc à toi de retrouver les mots qui sont cachés dans ce medley et qui n'ont rien à faire là. Okay. Est-ce qu'il y a un thème pour l'aider un peu? Oui, alors il y a un thème puisque bon, c'est Noël, on a déjà choisi plein de chansons du soleil. Ouais. Voilà. Ok, c'est oui, logique. Et du coup, on a caché des maladies sexuellement transmissibles. Donc ça va être éducatif. DMST. Hein? Bon, ah oui, d'accord. Sera... En plus, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Oui, oui, oui. Ah, voilà. C'est sympa. Alors, ce note pour moi-même de les voir avant de faire l'émission. Ne plus les laisser tout seuls. Autonome. Grosse erreur. Mais comme il dit, c'est éducatif. Ce sera, voilà. Et puis Olivier, c'est, 14 ans. C'est pédagogique. Oh, puis à 7h10, on a vraiment envie d'entendre parler de ça. Allons-y, Mickey et Flo, où sont les mots? Génial. Angela, ignoté con toi, badon babon bala, chlamydia, oh non, chlamydia. gente d'Andura, para un po' sambala, clamidia. Et tout ça avec la bouche. Ah bah c'est là généralement que tu l'attrapes, oui. Non mais je parle des musicos. Ouais, non. Ouais. But I need to hurt you, and I put up that gun. But I need to hurt you, and I put up that gun. RPPPS, RPPPS, RPPPS. Génital, RPPPS, RPPPS, RPPPS. Génital. Magic in the air, ale ale ale, vole ma ole, ale ale ale. Si Phyllis magic in the air, ale ale ale, vole ma ole, vole ma ole. Si Phyllis magic in the air, ale ale ale, vole ma ole, ale ale ale. Si Phyllis magic in the air, ale ale ale, vole ma ole, ale ale ale. Mickey et Flo, s'il vous plaît, dans le système. Les mots, ils nous ont caché donc des maladies sexuellement transmissibles ce matin. Merci les gars, ça avec plaisir. Plaisir. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël. Ils sont géniaux. C'est des malades les mecs. Alors Olivier, est-ce que tu as repéré les trois mots qui étaient cachés? Alors j'avais les trois, mais j'en ai perdu un. Ah. Donc syphilis. Ouais. Herpès. Ouais. Et il y en a encore un, moi je sais plus. Clac, clac. Le petit dernier. Clac, clac. Clamidia. Hey, hey. Pas de triche, hein. On l'a pas aidé. Eh bien, ce matin, je tiens à le dire, c'est gagné pour Olivier. Bravo. Hey. Bravo à toi, Olivier. J'appuie sur tous les boutons, c'est génial. On met Alice on the Roof tout de suite avec Ta quitté la planète. Elle sera là tout à l'heure, d'ailleurs, ouais, en live. Alice on the Roof, tu peux aller chercher un cadeau, ça part mon Olivier. Merci, on est en public ce matin. Bravo. Bravo. Tout cru. Si tu flanches à la vue d'un bout de tissu, si à mater mon cul, tu perds la raison. Revoyons du début quand je dis non, c'est non. Oublie-moi et bye bye, tes mains déplacées. Bye bye, je n'en veux pas. Bye bye, ton air affamé. Regarde-toi, non, mais t'as quitté. Peut-être que t'avais tous les droits. T'as quitté la planète, gâché la fête, car mon corps est en moi. C'est comme ça qu'on va traiter ta sœur, ta sœur. Et ta fille, ta fille. Et ta mère, ta mère. Toutes celles qui sont les seules. Cause I'm merci d'être avec nous ce matin dans le 6-9 sur Énergie. On va revenir dans un tout petit instant, les copains. On va se faire le conseil du 6-9. Ouais, ça va être trop bien. Un conseil Koh-Lanta. En mode Koh-Lanta, quoi. Ouais, avec la musique de Koh-Lanta, les votes de Koh-Lanta. Donc, en fait, il faut écrire un prénom d'un membre de l'équipe. Et après, il faut expliquer pourquoi on a voté pour lui. Et je vous cache pas que je réserve un gros défi pour celui qui sera élu. C'est vrai ? Ouais. Non. Enfin, qui sera éliminé, quoi. Oui, il va faire un truc. Oh, avec Alison Roux. Non, tu peux pas. J'en dis pas plus parce que sinon vous allez voter pas comme il faut. Donc non, votez avec votre cœur. Je m'en fous, je vote contre toi. On fait ça dans un instant. C'est le conseil du 6-9 sur Énergie. Ça revient juste après. Et côté hit, on a de Prince Karma, j'adore. A tout de suite. C'est le 6-9. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie. Chaque jour à 9h et à 20h, c'est vous qui programmez. Vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur énergie.be. La playlist énergie inspirée par vous. Pour Thomas, les fêtes, c'est fait pour passer du bon temps avec les enfants. Ou alors, quel film ? Un film de pirates. Bon, écoutez, il faut choisir parce que je dois encore faire les courses, moi. Relax, Thomas. En décembre, Deleuze livre gratuitement vos courses chez vous à partir de 75€. Ou passez nous voir si vous voulez prendre l'air. Deleuze, du côté de la vraie vie. Les supermarchés Deleuze ainsi que la plupart des AD Proxy Deleuze seront ouverts les dimanches 23 et lundi 24 décembre. 63,2% des Belges préparent leur repas de Noël en dernière minute. Mais pour votre nouvelle cuisine, n'attendez pas le nouvel an. Profitez des prix festifs last minute chez Ixina. Quels que soient vos souhaits, nous avons la cuisine qui vous plaît. Venez la choisir cette année encore sur ixina.be. Ah, l'hiver. Rien de plus magique qu'un sapin de Noël joliment illuminé. Wow. Sauf peut-être les feux full LED de votre nouvel Opel. Wow. Alors profitez dès maintenant de conditions salon sur toute la gamme Opel lors des deals d'hiver Opel. Surfez vite sur opel.be. The Prince Karma qui va arriver dans un instant. Il y a le conseil du 6-9 pour vous. Ça, on va bien rigoler. Koh-Lanta, avancez un petit point sur les routes. Ce matin, Yannick, ça donne quoi ? Eh bien, un accident, la voie de gauche est bloquée sur le ring intérieur de Bruxelles. La jette, précisément, un autre accident sur le ring extérieur, cette fois à Wezembeek-Oppem. Enfin, la chaussée est fermée sur la N28 de la Ninov. La voie de droite est bloquée sur la E411 de Bruxelles à Namur à Corroy-le-Grand. Autre accident, voie de droite bloquée sur le ring extérieur à Oulart. Et enfin, un tunnel fermé de Place Poulard à Place Stéphanie. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. I show you my so you let me in. Can you just take another drink with me? Thanks. Later, Tess. matinée, bon réveil avec nous sur Énergie. 7h22, c'est vendredi, le 21 décembre. Je tiens à faire un gros big up à nos fifous qui sont là ce matin. Bon là ils sont partis prendre le petit déj, hein. On va pas vous mentir. Ils reviennent tout doucement dans le studio. D'ailleurs ma chère Alexandra, ma chérie qui est là, viens un peu près de moi. Viens près de moi parce que je tiens à ce qu'on remercie vraiment Tout le monde et qu'on remercie surtout la boulangerie qui nous offre le petit déj ce matin. Puisque je n'ai pas encore goûté les cooks, donc je ne peux pas me permettre, mais alors... C'est super bon. Alex, Margot, et c'est comment ton prénom? Mimi Boxeuse. Oh, nous disent que Mimi Boxeuse. Sur Instagram, c'était Mimi Boxeuse. Eh bien, déjeuner super bon qui nous est offert par... Par la boîte à tartines de Woluwe Saint-Lambert. Eh bien, un grand merci snack. À la boîte à tartines à Woluwe Saint-Lambert. Ils font quoi? Boulangerie et snack, c'est ça? Oui, tout à fait. Chouette. Si on veut un petit sandwich au midi, on peut aller là-bas. Oui, une petite soupe, un petit plat du jour. Wow, trop chouette. Excellent. Eh bien, on les remercie vraiment très, très, très, très fort. Merci beaucoup pour le petit déj qui nous est offert ce matin. Merci, Alexandra. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, on va faire le conseil du 6-9. C'est en mode Koh-Lanta. Musique Koh-Lanta. Ah, pas musique Koh-Lanta. Ça marche plus. Attendez, deux. Alors, ça, non, hein, il me faut ma musique Koh-Lanta, je tiens à le dire. C'est pas grave, on regarde. Koh-Lanta, c'est très simple, on a fait ça une fois dans l'émission et vous avez kiffé, on va le refaire ce matin. Chacun a un papier avec un crayon et va devoir écrire un prénom d'un membre de l'équipe et voter contre lui et expliquer pourquoi il vote contre lui. Aujourd'hui, vu qu'on est en public, nous avons Marcos. Bonjour Marcos. Bonjour tout le monde. Marco et Marcos sont sur un bateau. Marco tombe à l'eau, qu'est-ce qu'il reste ? Un S. Marcos qui va représenter les fifous ce matin. Et tu vas toi aussi pouvoir mettre un prénom d'un des membres de l'équipe. C'est ça. Et voter contre l'un d'entre nous. Celui ou celle qui sera élu aujourd'hui de ce conseil, eh bien, je peux vous dire que ce qui l'attend, okay, c'est un beau cadeau avec Alice on the Roof, un beau défi à faire avec elle. Dean Lewis qui va arriver côté hit. Avant ça, les amis, prenez votre feuille. Ouais. Et votez. S'il vous plaît. Déjà. Moi aussi. C'est vrai, déjà ? T'as noté déjà ? Ouais. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle des rapides. Hein. Et on pourra faire votre sentence est irrévocable à la fin ? Oui. Vu que ça te fait plaisir, ça sera un kiff total. Ah ouais. Tout le monde a écrit ? Attends, moi, j'ai pas écrit. Allez, on regarde pas. Voilà. T'as regardé ? Non, j'ai pas regardé. Allez, go. Tout le monde a voté ? Ouais. Oui. Oui. Jérém. On écoute ton vote. Là maintenant ? Oui. Avec cette musique là ? Oui. Tu me donnes deux secondes, mais je. Oui, avec cette musique là. Ok. Alors. Oui, bah tu n'auras que cette musique là. Voilà, je serai avec. J'ai voté pour. Frisco. Oh purée, mais pourquoi encore moi ? Alors, j'étais parti pour voter pour Tiffany, mais elle a fait un effort vestimentaire. Et puis ce matin, j'ai vu Frisco, j'ai dit déjà, il ressemble à un serveur. On avait dit d'être sur son 31. Bah, je suis sur mon 31. Non, c'est un 31 serveur. Et t'as retiré ta chemise du pantalon. Mais non, mais ça se fait pas, Frisco. Non, je suis désolé, l'aventure avait bien commencé entre nous. Mais non, ça ne se fait pas. Ça sert à rien de la remettre dans ton pantalon. J'ai voté pour toi. Voilà. Tu viens de me poignarder là. Tu viens de me faire un collier d'immunité caché. Je m'en fous. Voilà. Un vote contre Frisco déjà. Tiffany, ton vote. Oui, alors moi, j'ai voté pour. Jérém. Mais enfin voilà. Parce que tu parles de la tenue de Frisco et moi je trouve qu'il est vraiment bien. Oui, merci. C'est vrai que la chemise est pas top en dehors du pantalon. Mais par contre, toi, tu es venu avec un petit nœud papillon rouge qui n'est pas du tout assorti à tes bretelles dorées brillantes. Je trouve que c'est un fashion faux pas, comme dirait Christina Cordula. Et donc pour moi, tu mérites de quitter l'émission. Oh, oh, oh. Voilà. Un vote contre Jérém, un vote contre Frisco. Il reste qui à voter ? Moi, Marco, c'est toi. Ah, t'as pas voté toi, Jérém ? Frisco, pardon. Frisco, on écoute ton vote. Mais t'as raison, c'est Jérém ! Il y a eu un truc entre moi, pour moi, là. Non, absolument pas. Mais rien à voir avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je trouve que ça va, t'es quand même plutôt beau gosse. Mais depuis qu'il a acheté une PS4, il me bat à FIFA, et ça, j'aime pas. Donc voilà, je suis désolé, ça devient un peu trop nul, donc voilà. C'est dégueulasse. Ouais, je sais. Deux votes contre Jérém, un vote contre Frisco. Marcos, quel est le vote des fifous avant que je dévoile le mien qui pourrait peut-être faire basculer la balance ? C'est pour Fanny. Ouais. Tiffany, pardon. En plus, il a marqué Tiffany. Hein. Et pourquoi Tiffany ? Parce que je trouve qu'elle a été méchante avec le monsieur qui est ici. Parce que moi, personnellement, je trouve que son nœud papillon était très joli, et très joli d'ailleurs. Merci Marcos. Et ces bretelles, on les voit même pas. Non, mais je trouve qu'elles méritent, elles mériteraient. On a bien raison de ne pas les voir. Voilà. Et donc tout est entre tes mains, Marco. Tout est entre mes mains parce que si je vote contre Frisco, c'est un ex-aequo. Si je vote contre Jerem, c'est Jerem qui est éliminé ce matin. Et j'ai voté pour Jerem. Non. Jerem. C'est dégueulasse, les gars. Et je rejoins Tiffany. Ouais. Ces bretelles, mon cher ami, c'était en 62 qu'on pouvait les porter. Nous sommes en 2018. Vous me sortez de l'aventure juste pour mes bretelles? Oui. Alors ouais. Que je fais du feu pour tout le camp, je vais pêcher, je vais chercher à boire et tout. Oui, mais toutes ces qualités n'égalent pas, sont gâchées par ceci, quoi. Sache-le, tu vas devoir faire un truc avec Alice Underwolf exceptionnel, mon Jérémy. Non, quoi, qu'est-ce que tu ne t'y attends pas du tout. Non. Un défi, on fait ça, je vous explique tout ça dans quelques minutes sur Énergie. À j'ai tout de suite. Peur. From the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away, let her go. Mais qui sont vos deux fous quand ils se dérangent sur Dean Lewis? On revient dans un petit instant, on a les meilleurs moments et on vous a préparé un 6-9 quiz en mode best-of depuis le début de l'année. Ah cool, ouais, trop bien. Ça va être chouette, on va écouter des super trucs qui se sont passés dans le 6-9. A tout de suite. C'est le 6-9. It's never your fault. The bang bang bang. Banks and ranks on the ball. Zao. Awo. C'est action vérité. T'aimer ou te quitter. Et l'histoire est sans cesse répétée. Qui commettra la faute? Qui de nous deux claquera la porte? On dirait bien que l'enfer, c'est les autres. Tu sais qu'on en a. Tu sais qu'on en a. C'est qu'on en aura mal. Bang, bang, bang. Tu sais qu'on en a. Tu sais qu'on en a. C'est qu'on en aura mal. Check it. Ce n'est jamais de ta faute. Jeu, amour belliqueux, c'est quand nos cœurs se consument à petit feu. On se renvoie la balle et tout redevient normal jusqu'à ce que tu tires là où j'ai mal. Tu sais qu'on en a, tu sais qu'on en a. Let's dance. Mais le tout égo, sans curiosité, vous n'auriez jamais trouvé à la Fnac les cadeaux qui font vraiment plaisir. Merci, c'est gentil, mais je peux pas plutôt avoir celui avec l'emballage Fnac, là? Fnac. Fnac, libérez votre curiosité. Dans un petit instant sur Énergie, on a du Camilla Cabello qui va arriver côté hit pour vous. On va jouer au 6-9 quiz. Avant ça, voici un petit point sur la météo. Pour eh bien, c'est pas terrible ce matin. De la pluie toute la matinée. L'après-midi, il devrait faire un petit peu plus sec. Par contre, il ne fera pas froid du tout. Les températures tourneront autour des 10 degrés aujourd'hui. Le vent sera par contre très fort à la côte. Ah ouais, 10 degrés, c'est incroyable. L'actualité de ce 21 décembre avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. Les dirigeants de Bipost ont conclu un accord avec les syndicats. Celui-ci prévoit notamment un salaire mensuel net au-dessus de 1800 euros pour un débutant. Selon Bipost, les mesures visent principalement à accroître l'attractivité des fonctions sur le terrain. Cette nouvelle convention a été conclue après plusieurs jours de grève. C'était en novembre dernier. Les syndicats dénonçaient notamment un manque d'effectifs et une pression au travail. Les médecins généralistes sont globalement satisfaits de leurs conditions de travail. C'est ce qui ressort d'une enquête du journal du médecin. Ils craignent néanmoins de voir la pénurie s'étendre dans le futur. Concrètement, 71% des généralistes se disent heureux de leurs conditions de travail. C'est 11 points de plus qu'au début et des années 2000. 6 Belges sur 10 ne souhaitent pas d'élections anticipées. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par RTL et VTM. La plupart des Belges, même en Flandre, jugent que la NVA est responsable de la chute du gouvernement. Près d'un cinquième des personnes interrogées n'a en fait aucune préférence quant à la date des prochaines législatives. Les ministres régionaux des finances sont parvenus à un accord. Celui-ci prévoit un régime fiscal plus avantageux pour les voitures électriques. Un accord entre régions était nécessaire pour modifier ce régime fiscal. Le but, éviter que des sociétés de leasing ne déménagent dans une région plus favorable fiscalement. Enfin, en football, ouverture de la 20e journée de championnat. Ce soir, Gand accueille le club de Bruges pour un derby des Flandres. L'info énergie. 7h30, une petite info énergie à se mettre sous la dent. Qu'est-ce qu'on va manger ce matin? Eh bien, manger, c'est le cas de le dire, parce que justement, les Américains sont de plus en plus gros. Alors, c'est pas vraiment une surprise, c'est ce que les mauvaises langues diront. Et en plus de ça, les Américains seraient également de plus en plus petits. En 15 ans, la silhouette des Américains s'est transformée, selon des statistiques sanitaires américaines. Un Américain a perdu en moyenne 2 mm en 15 ans. Et au niveau du poids, eh bien, 40% des Américains sont obèses. On rappelle évidemment de faire de l'exercice physique régulièrement, et si vous faites ça, eh bien vous aurez un super corps comme le mien, évidemment. Ils peuvent aller faire Fort Boyard. Ouais. Comme le mien. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. La musique continue, c'est génial. Ah, c'est génial. c'est merveilleux. C'est le 6-9 qui vient te réveiller. Alors, déjà 10 minutes que vous êtes arrivé au boulot. Et vous restez dans la voiture ? Tout ça pour écouter un peu plus de 6-9 ? Faites gaffe, vous êtes accro là. Petite le 6-9 sur Énergie. C'est la dernière du mois, la dernière de la semaine. Ouh, et la dernière de l'année. Dernière de l'année aussi. J'ai dit quoi du mois? Bah oui, du mois aussi. Mais, oui, mais de tout, t'avais raison. Hein, j'apportais une plus-value à ton La dernière de tout, mais pas du 6-9, on vous rassure. Évidemment. On sera de retour en janvier, évidemment. En attendant, je tiens à le dire, ce matin, le studio, c'est comme une boîte de nuit. On a dû refuser des gens. Je vous jure, ouais. C'est vrai. Ah ouais. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est de la folie. Hier, je vous promets, il y avait des chaises, on a fait une réunion ici, il y avait 50 personnes. Ouais. Et on m'a dit, ça, c'est 50 personnes, tu ne sauras jamais mettre tes 70 personnes dedans. Et on a réussi. Bon, par contre, c'est vrai que la prochaine fois, on s'emballera pas à dire 100 personnes. On ne peut pas les mettre, c'est pas possible. Donc voilà. Question est serrée au fond de ces deux boîtes. Mais inscrivez-vous évidemment energie.be pour venir aux prochaines émissions publiques. C'est ouais. Tous les derniers vendredis du mois. Et voilà, il y a de la place encore pour quelques émissions. Il y a plein de dates. Vous choisissez la vôtre et on espère que ce sera pas complet. Si c'est complet, bah vous vous inscrivez à la prochaine. On doit refuser des gens, hein. Oui, on a le droit. Bah oui. Camilla Cabello. On n'a pas le choix. On écoute ça, oui, surtout ça. On peut pas les mettre sur nos genoux à un moment donné. Voilà. Camilla Cabello, on écoute ça et le 6-9 quiz dans un instant sur Energy. Bienvenue. Dirty tissues, trust issues, glasses on the sink, they didn't fix you. Lonely pillows in a stranger's bed, little voices in my head. Sacred keeping, stop the bleeding, lost a little weight because I wasn't eating. All the songs that I can listen to tell the truth. Loving you was young and wild and free. Loving you was is cool and hide and sweet. Loving you is sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Hesitation, awkward conversation, running on low expectation. Every siren that I was ignoring, I'm paying for it. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Dans un instant, Oli meurt sur énergie avec Snoop Dogg, c'est ce qu'on va écouter avant ça. Ouais, c'est bon ça. On écoute ça dans un instant, Snoop Dogg avec Oli meurt sur énergie, ça va arriver pour vous. On va jouer avant ça au 6-9 quiz, jingle. 6-9 quiz, si t'écoutes vraiment très très souvent l'émission, alors tu seras champion. C'est tout à fait ça, si tu écoutes souvent l'émission, tu seras champion, en effet. Et ce matin, on a préparé un 6-9 quiz très spécial, puisque c'est un 6-9 quiz qui redémarre depuis septembre, donc depuis le tout début de l'émission. Qui vient jouer avec nous ce matin, Tiffany? C'est Catherine, qui est dessinatrice et portraitiste, un peu comme les personnes à Montmartre. Et alors, elle fait des bijoux, accessoires. D'ailleurs, sa petite fille Jenny est venue m'apporter une petite paire de boucles d'oreilles qu'elles ont fait à deux. Oh, et donc, mignon. Du coup, bah, ça me fait super plaisir. Et C'est joli. Je voulais remercier Jenny qui est à côté de moi aussi. Et alors, justement, puisqu'on parle de Jenny, la petite anecdote de vie, c'est que quand elle était petite, elle se badigeonnait avec du yaourt plutôt que de les manger. Ah d'accord. Et donc c'est un peu une miss cracra, quoi, Jenny. Bonjour Jenny. Bonjour. Ça va bien ce matin? Oui. Ouais, chouette. On va jouer. Oui. Ah ben non, je voulais juste dire qu'elle était propre et bien sur elle aujourd'hui. Merci Tiffany. C'est gentil de dire ça. Tout est propre aujourd'hui. Et qui vient jouer? C'est maman en face? Oui. Bonjour maman. Bonjour. C'est comment ton prénom? Catherine. Catherine, bienvenue. Vous allez jouer au 6-9 quiz. Enfin, jouer. Alors, on pas vraiment jouer. Il faut nous aider. Hein. Oui, bon, pour tout vous dire, j'ai pas ma feuille. Donc voilà, comme ça, c'est magnifique. Donc, on va jouer comme on peut. Est-ce que vous vous souvenez quand David Guetta est venu nous voir? Parce que David Guetta est venu nous voir. Oui, David Guetta est venu nous voir. Oui, j'ai vu les photos, mais il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, en novembre, comme dit Jenny. Et alors, est-ce qu'à ton avis, David Guetta, on l'a traité de vieux? En gros. Oui. Oui. C'est bien votre genre. On réécoute. Est-ce qu'il y a un âge pour être DJ? Un âge pour démarrer, mais surtout un âge pour s'arrêter. Ben écoute, je vois où tu veux en venir, mais je t'emmerde. Bon, les gars, je vais vous expliquer. On va se mettre là au sol et on va faire un concours de pompe et je vais tous vous défoncer. L'âge, ça devient plus dur. Je vais tous vous prendre, on va faire 200 abdos et puis on va parler. David Guetta, eh ben oui, je crois qu'on ne se serait pas amusé à faire 200 abdos, il nous aurait vraiment. Le mec a 50 piges et il est basé, mais comme jamais. Ah, hein, je l'appelle monsieur propre, moi, quand je l'ai dit. Clairement. Nous allons parler de la Kids Line. T'aimes bien, Jenny, la Kids Line tous les mercredis à 7h35? Oui. Que t'es les enfants qui nous appellent et qui racontent des bêtises? Oui. Oui. Eh ben là, je peux te dire qu'en termes de bêtises, on peut pas faire mieux. Bah, écoutez. Bah, en fait, j'étais petit et je voulais pas faire ma sieste. Ouais. Alors, je suis sortie de mon lit. Mm-hmm. Et j'ai trouvé un marqueur indélébile et j'ai fait un gros dessin sur le mur de la chambre de mon père. Oh, c'est pas possible! Ah oui, là, bah non, mais ça, oui, c'est quand même. Oui? Et puis mon papa, il est arrivé. Alors moi, je m'étais vite couchée par terre et j'ai fait semblant de dormir. C'est génial! Oh, trop mignonne. Ah, trop c'est génial, mignonne. J'en fais Jérém. C'est génial! Alors, on fait souvent des jeux dans l'émission. Un jeu qu'on aime bien, c'est le Où suis-je? Ouais. Donc on est quelque part et on doit vous faire deviner où on est. je me rappelle. Ah oui, c'est pour ça que je rigole. Et à mon avis, ce jour-là, j'étais pas bien réveillé. Vous pouvez nous découvrir en bateau, du haut d'un belvédère ou à partir de parcs. Pour les lunes de miel, nous sommes tout simplement idéales. Mm-hmm. Nous transportons près de 20% de l'eau douce de notre planète. Jérém? Ouais. Gilles Grec? Non. Frisco? Non. Bah attends, ah, oui, le mec, je dis même pas de réponse, il me fait non, tais-toi. Non. Jérém, Gilles Grec, non. Frisco? Non. Tu peux pas jouer Frisco. J'adore. Et alors, on va finir avec cette petite question de Jenny. Est-ce qu'un Kevin de Waterloo, est-ce que pour toi c'est un Kevin qui a réussi? Oui. On vérifie. Plaisir partagé, c'est qui ce matin? Kevin de Waterloo. Kevin de Waterloo. Il y a eu un souci, normalement, avec Kevin, c'est à Liège à Charleroi, non? Pardon, pardon. Non, Kevin de Waterloo, c'est Kevin qui a réussi. Et on embrasse évidemment tous les Kevin. Eh oui, Kevin qui a fait sa pénis, il doit être content. Je crois que c'est la meilleure vanne de l'année. On est vraiment des enfants. Évidemment, on embrasse tous les Kevin. Est-ce qu'il y a des Kevin ce matin? Tant mieux. Non, ils sont à Waterloo, ils travaillent, c'est normal. On écoute Oliver. Merci beaucoup, Jenny, d'être venue. Okay. Et Catherine. Catherine et Jenny. C'est vrai que j'ai fait un truc bizarre. Je dis merci à Jenny, je regarde Catherine. Donc, merci Jenny, merci Catherine. Et merci à vous, les fifous, d'être venus ce matin. Et pour aller chercher un cadeau au sapin. Ouais. Et prenez pas tous les plus gros, hein. Parfois ça cache quelque chose. Oui, ça cache quelque chose. Monsieur Limor, c'est Snoop Dogg. Rockin' the club like a million bucks. First I hit the bar for a couple of shots. Wink at the beautiful women, I think I'm making them blush. Then I spill my drink, tryna cover it up. Got the dad dance moves, staying ready for them. Got the Batman groove, go steady on them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do ya wanna dance? She's telling me yes. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Tryna cover it up, so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby, 'cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey, and when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. Slow down. DJ play that track, checking my kung fu kicks like I'm under attack. I wave my arms like this from front to back, but you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips, jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand, I give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby, 'cause I can't dance in the way that you do. Yeah. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. So, dance. dance to the rhythm of the D-O-Dub. G and the thug, watch how I be in the club. Looking, staring, daring, comparing. In my book, they say sharing is caring. So give me your taste. And make your hips just dip to the bass. And watch me run your line. See what I come to find. It's your moves, baby. You dig? Cause I can't dance in the way that you do. Live, on revient dans un instant avec Shawn Mendes. Nous avons Thomas, vous savez, on a fait un speed dating avec lui. Ouais. Bon, Thomas, il a posé une dinde. C'est même plus un lapin, hein. Ce prix-là, c'est une dinde. Il n'est pas là ce matin, mais Margot est quand même venue. Margot, bravo. Tu vas repartir avec une dinde. T'inquiète. Avec, avec un Thomas. Avec un Thomas, on va t'en présenter un autre. C'est dans un instant, à tout de suite. C'est le 6-9. Si lors d'une fête de famille, votre tante vous propose du foie gras, faut pas jeter le plateau par terre. Insulter votre patron pendant une réception d'entreprise, ce n'est pas idéal pour l'ambiance. Vous pouvez éternuer sur les toasts, mais bon, c'est pas très distingué non plus. Oh, pardon. Et vomir sur le sol en marchant à quatre pattes. Mouais. Ne gâchez pas la fête. Refusez tout simplement le foie gras sans exception, même pour une fois. Mettons fin à la souffrance des canards et des oies. Plus d'infos sur Gaïa.be. Chez Colruyt, vous êtes certain de profiter des meilleurs prix, même quand d'autres magasins font des promos. Nos clients témoignent. Dans un autre magasin, il y a une promo, et à ce moment-là, la machine se met en route, il n'y a pas de souci. Colruyt va descendre son prix sur le produit, quel que soit le magasin d'où ça vient. C'est de toute façon moins cher, donc voilà, je ne peux que faire confiance comme ça. Colruyt réagit et met le même prix. Quand la confiance est là, ben on revient. Hein. Colruyt suit toutes les promos des autres magasins et adapte ses prix. Colruyt, les meilleurs prix pour chaque produit, à chaque instant. C'était le soir de Noël, où la magie opère dans les chaudières. Tous étaient venus les bras chargés de chaudières. Mais à table, l'ambiance était devenue complètement chaudière. Un problème de chaudière peut gâcher vos bons moments. Pour l'éviter, découvrez la garantie chaudière de Luminus sur luminus.be/chaleur. Si la curiosité n'existait pas, vous n'auriez jamais été tenté d'acheter tous vos cadeaux à la Fnac. Alors ça c'est pour Sophie, et tout cela, c'est des cadeaux de moi à moi. Pour les fêtes, découvrez à la Fnac plein d'idées cadeaux pour vos proches et pour vous-même. Fnac. Fnac, libérez votre curiosité. Baze présente les aventures de... Il est fort. Ouais. Il est beau. Ah, merci. Il est un héros pour des milliers de personnes. Ah, moi je les compte plutôt un giga. Il a accompli des missions périlleuses au péril de sa vie. Oh, n'exagérons rien. Pour lui, aucun data ne peut être abandonné à la fin du mois. Il est... Data Doggy Bagman. Et sa mission... Chez Baze, pour 20 euros par mois, vous avez les appels illimités vers tous les réseaux et 3 gigas. Et comme toujours, j'emmène vos restes de data au mois suivant. Conditions sur Baze.be. Baze. Chaque matin, j'ouvrais ma boîte mail, je lançais les applications, je naviguais sur le net. Mais à la fin de la journée, j'étais complètement vidé. Alors on me rechargeait, j'ouvrais à nouveau fenêtre après fenêtre et ainsi de suite, jour après jour, jusqu'à ce que je m'éteigne définitivement. Rapportez aussi les batteries usagées de vos ordinateurs dans un de nos points de collecte. Bebat leur donnera une nouvelle vie. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Ah, la magie de Noël. Et si cette année, vous y mettiez une touche de folie? Pour les fêtes, vous vous offre BTV au prix exceptionnel de 14,99€ par mois au lieu de 24,99€ pendant 6 mois. Infos et conditions sur vous.be/BTV ou au 0800-825. Vous, vous d'abord. Parlez de vos... Oui, les de sauce Moscou, hein, oui. Dis de vos scènes nouveaux, les fêtes, la Fafa famille est à son aise. Et pour dire qu'on les trouve tous chouettes, suffit d'un peu de ma mayonnaise. Pour dire aux gens qu'on s'aime bien, pas obligé de se donner une baisse. Suffit parfois pour ça d'une cuillère de mayonnaise. Cuillère de mayonnaise. La sauce pour dire je t'aime aux gens qu'on aime. La voilà. De vos Slimens. À table. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Les bouchons, on les fait sauter encore plus facilement. Les champagnes sont en promotion chez Intermarché. À table. Enfin, je dis ça pour Margot qui est avec nous, parce que tu vas devoir aller à table, Margot. C'est ta tête. Elle est pas contente. Shawn Mendes, ça va arriver un petit point sur les routes, Yannick. On signale une perte de chargement. Les conditions de conduite sont difficiles sur la E42 de Mons à Chapelle et Herlaimont. Un obstacle encombrant également. Les conditions sont difficiles sur la E42 de Liège à Mons. Plusieurs accidents à signaler. Tout d'abord, sur le ring extérieur, la voie de droite est bloquée à Oullart. Enfin, la voie de droite est bloquée de Bruxelles à Namur à Corroy-le-Grand. All they take is one fight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Attention, we could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Do you got plans tonight, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. C'est ce qu'on va écouter sur Énergie. On a Calvin Harris dans quelques minutes. Et là, attention, je vais demander à Mickey et Flo en total impro, nos musicos, ils sont très forts. Est-ce que vous pouvez nous mettre une petite ambiance, café, tu vois, ambiance sexy plutôt, café sexy, café, romantique, ouais, café romantique, drague, ouais. Drague, ouais, voilà, ouais, merci Tiffany, ouais, allons à l'essentiel, drague. Il faut pécho, une musique péchotage. Ah, attends, voilà. Ouh. Oh, c'est beau. Ça donne envie de payer le resto. Ah bah je t'en prie, Tiffany. Non, de se faire payer le resto. Margot, bonjour. Bonjour. Margot est la personne qui a été choisie par Thomas. On vous rappelle Thomas, notre speed dater, qui a fait ça pendant une semaine avec nous. Sauf qu'aujourd'hui, il a posé un lapin. C'est un gros lâche. Tiffany se lâche. Pour toutes les filles qui ont eu un... qu'on leur a posé... Où on le... Bim. Tu vois pourquoi ils sont pour jamais toutes venus à les filles à qui on a posé un lapin. Dédicace. Enfin, c'est dédicace. Enfin, c'était voilà. Tiffany. Évidemment, nous ne voulons pas te laisser comme ça. Oh, merci. Et nous allons te présenter un autre Thomas. C'est notre stagiaire Thomas. Faites du bruit pour Thomas, s'il vous plaît. Il est ultra stressé. Il est venu. Non, pas du tout. Bonjour, mon Thomas. Bonjour. Bonjour. Margot. Enchanté. Thomas. Margot. Enchanté. C'est un peu comme au clic, hein, tu vois. Hamburger vs reality. Je me sens pas au Thomas d'origine, mais voilà. Voilà. Il est génial, il s'autoclash, le gardien, c'est ça. Alors, on va éviter tout malaise, évidemment. Bon, c'est déjà fait, tu sais, on peut y aller. Hein. Thomas, est-ce que Margot pourrait être ta cam? Ça va devenir malaisant, je sens. Non, mais oui, sincèrement, oui. Oh, j'aime bien ce moment-là. C'est quoi, coupe la musique. Ne pose juste pas l'autre question en fait. Coupe parce tout, que... parce que voilà, oui. Margot. Est-ce que Thomas c'est ta cam? Je peux être sincère. Oui. Allez, on met Calvin Harris, ça veut dire non. Non mais il... Vas-y. Il est mignon, hein, mais je préfère les... Le vrai. L'autre Thomas. Ouais. L'original. Ouais, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Le service des réclamations, c'est par là. Moi, je... S'il vous plaît, du bruit pour les deux tontons. Le pauvre. On écoute Calvin Harris maintenant sur Énergie. Et c'est magique. Le beaucoup Margot, tu sais, dans ce... Vraiment, faut être honnête. Non, mais je veux dire, j'irais bien boire un verre avec lui, mais je ne payerai pas. Et puis, un verre, hein, pas deux. À tout de suite sur Énergie. I want you to breathe me. Let me be your air. is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? Dans un tout petit instant, c'est le moment qu'on adore à 8h05, c'est le duel énergie. Et attention, c'est notre dernier duel énergie dans cette version là, puisqu'après on va vous expliquer la nouvelle version. A tout de suite. C'est le 6-9. Tu n'es plus sur les réseaux, tu m'as bloqué. Et tu penses que j'ai une autre à mes côtés. Toi tu t'es fait une raison sur un coup de tête. Et ça me tourne autour à croire que je suis coté. Mais je les envoie balader. Elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit sorry. Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré. Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories. On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai faussé. Et je vois que tu fais ta vie, que dans la nuit tu brilles. Mais je te connais par cœur, tout ça c'est pas toi. Et je vois qu'on te courtise, dis-leur de rester tranquille. Non, on n'est plus ensemble, mais t'es quand même à moi. Mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué, manqué, manqué, manqué. On s'est manqué, manqué, manqué, manqué. On s'est manqué. On s'est tout redonné. Mon cœur est solitaire et le tien est ailleurs. De peu on s'est manqué. L'impression de mentir quand je te souhaite le meilleur. Sans dire un mot, on s'est tourné le dos. Comme deux inconnus quand on se croise en bendo. Tout est snapisé, je suis pas parano. Tu me surveilles sans cesse, mais surveille tes poteaux. Tant pis, on s'oubliera. Le temps nous dira si on a bien fait. Et si je te mens parfois, si je fais semblant, c'est que j'ai ma fierté. Mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué, manqué, manqué, manqué. On s'est manqué, manqué, manqué, manqué. On s'est manqué. Aldi. Et ce que certains en pensent. Certains se disent encore, oh, pour les fêtes, non, je peux quand même pas servir des produits Aldi à mes invités. Chez Aldi, on leur répond, et pourquoi pas? Pour les fêtes, nous étoffons notre assortiment avec la gamme Excellence et ses produits exquis tels que des champagnes, des huîtres et autres délicatesses. Le tout au meilleur prix, bien sûr. Vous ne le croyez pas? Regardez vite sur aldi.be ou en magasin. Étonnez-vous et épatez vos invités. Aldi, pour que chaque jour soit particulier. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Il est 8h sur Énergie, soyez les bienvenus. Je pense que la dinde de Noël est dans le coin. La dinde. Dimanche, tous nos magasins sont ouverts. Trouvez le cadeau idéal chez Crefel ou 24h sur 24 sur crefel.be/cadeau. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Ce moment de gênance où tu dis apportez-moi la dinde et qu'il y a Alison Dego face au moi-là qui rentre dans le studio, je ne parlais évidemment pas de toi, ma chérie. Alison Dego qui sera avec nous dans un petit instant sur Énergie. Avant ça, un point sur la météo pour aujourd'hui. Noël sous 10 degrés, ça faisait longtemps que ça n'était plus arrivé, c'est le cas aujourd'hui. Cela dit, il y a pas mal de pluie également ce matin. L'après-midi devrait faire un petit peu plus sec. Le vent sera par contre très fort à la côte. On attend des rafales jusqu'à 70 km/h. L'actualité de ce 21 décembre avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. Le Parlement a approuvé hier soir la loi de finances. Elle permet d'assurer la continuité des services de l'État de janvier à mars. Cette loi a été votée à la quasi-unanimité. Le PTB s'est abstenu, le Vlaams Belang lui a voté contre. Depuis le départ de la NVA de la coalition fédérale, le gouvernement Michel ne dispose plus de majorité. Le Premier ministre Charles Michel a donc annoncé que son gouvernement demanderait au Parlement de lui accorder du pouvoir pour assurer la gestion courante de l'État. À partir du 1er janvier, tout le monde payera 60 euros pour un trajet en ambulance. C'est la ministre de la Santé, Maggie De Bloch, qui a voulu uniformiser les factures. Peu importe où le patient sera pris en charge ou vers quel service d'urgence il sera transporté, chaque patient payera le même montant. La ministre voulait également apporter plus de clarté. Greenpeace a déposé hier une pétition au Palais Royal. Celle-ci a été signée par quelques 70 000 personnes. Ils appellent à l'action face à l'urgence climatique. Comme les politiques ne semblent pas vouloir réagir, nous appelons le roi à soutenir notre volonté et notre combat pour le climat. Voilà ce qu'a indiqué l'ONG. Et enfin en sport, Thierry Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul ont décroché cette saison 3 victoires et un 4e titre de vice-champion du monde de rallye. Ils ont été élus tous les deux Driver of the Year lors de la soirée des RACB Awards. C'était hier. C'est la première fois dans l'histoire de ce trophée qu'un copilote est récompensé en même temps que son pilote. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. Quand on réveille, le sommet t'a sonné. On les découvre, y'a Alice on the roof. Alice, Alice, est sur le toit. Fais gaffe à toi, la pluie s'alise. Ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Oui, Torquane, bonjour. Bonjour. De la, pas de la saison évidemment puisqu'on reviendra en janvier, c'est la dernière émission de l'année puisqu'on sera en 2019 en janvier. Dis donc, on va tous faire la même blague et à l'année prochaine. Clairement. Alison Delouf est notre invitée ce matin, elle s'installe tout doucement et elle nous rejoint dans quelques minutes. On va faire le duel énergie, tous les fifous sont là. Comment ça va le public? Ils sont chauds, ils sont chauds. Ils sont très très chauds. Et je vous cache pas qu'on a dû refuser du monde. J'ai l'impression qu'on était une boîte de nuit ici. Sans déconner. J'ai un mec devant, il disait c'est pas possible. GG, on a dit pas de basket. Non, vraiment, il y a eu beaucoup beaucoup beaucoup d'inscriptions. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les matins. Merci vraiment du fond du cœur d'être avec nous, les fifous. On écoute Lady Gaga. Voici Shallow avec Bradley Cooper. Shallow. Il chante bien. Hein. Franchement, ouais, Bradley Cooper, il chante bien. Bah, ouais, il y a pour un acteur. Bien. Il joue bien la guitare en plus. Un beau duo, on écoute ça tout de suite. Et juste après, c'est le duel énergie et le medley de Christmas. On n'a plus le temps. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. sometimes I fear myself. Sur Énergie, 8h07, c'est le rendez-vous quotidien. On le kiffe, on l'adore. Voici le moment de votre duel Énergie. Et c'est le dernier duel de 2018. Le duel Énergie. Puisqu'on va revenir dans une nouvelle version du duel Énergie, je vous expliquerai tout ça dans un petit instant. Vous allez adorer. Autant déjà maintenant, on pouvait se faire pas mal d'argent, autant à la rentrée. Là, on va s'en faire encore plus. C'est vraiment... Sans patates. Au moins, on vous explique tout ça dans un instant. Avant ça, qui vient jouer avec nous ce matin, Tiffany? On rappelle, on a un nouveau maître. Oui, le nouveau maître, c'est Benoît qui a 27 ans. Il travaille comme employé administratif dans une entreprise aéronautique. Donc, je vous l'avais dit, hein, il fabrique des pièces d'avion, tout ça. Il adore aller à des concerts et son meilleur concert, c'était celui de Lady Gaga. Il aime aussi aller voir des spectacles de théâtre. Et puis, en ce moment, il regarde la série Sabrina sur Netflix. Mais tout le monde regarde cette série, c'est quoi ce truc? Bah c'est la nouvelle, hein. Ouais, c'est chouette. Merci. Ouais, mais c'est la nouvelle, super. Attends, tu sais vendre une série, hein. Ça, ouais. Je vois tout à fait de quoi ça parle. Ah oui, c'est sur Sabrina. La petite sorcière. Viens affronter Benoît ce matin. C'est Sarah qui travaille comme institutrice maternelle du côté de Sambreville, donc à Namur, hein, pour les forts en géo. Elle vit avec Savas, avec qui elle est depuis 7 ans. Et ils ont eu un petit garçon de 2 ans qui s'appelle Alexis. Elle s'est mise à la couture parce qu'elle trouve que ça passe le temps et ça détend. Et puis elle aime aussi regarder l'émission Vendredi, tout est permis. Avec Arthur, donc de mi. Donc Benoît, tremble et fais gaffe à toi puisque Sarah is in the place et elle va te mettre une aiguille couture dans la tronche, tu ne vas rien voir venir. Boum. Elle est possédée. Elle est possédée. Je vous promets, c'est dommage que vous l'ayez pas vu faire ça parce qu'elle est dans tous ses états, elle devient violette comme ça. Et comment? Je vous jure, c'est magique. Oh là là. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour. Sois la bienvenue Sarah. Bienvenue à toi. Merci. Benoît, dans ce duel énergie. Ce matin, nous allons jouer avec la fin. La fin d'un morceau. Ok. Okay, non, terrible. Pas la fin à manger. La outro, fin, quoi. La outro, c'est ouais, ça. L'outro. On appelle ça dans le jargon, l'outro. Donc, c'est la fin du morceau que je vais vous mettre et il faut reconnaître l'artiste, tout simplement. Ok? Ok. Et vous allez me faire un kiff ce matin, les fifous. Tous ensemble. Oh oui! Votre buzzer, c'est votre! C'est trop mignon! C'est trop mignon! On y va, voici le premier extrait. Votre buzzer, c'est votre prénom. Bonne chance à vous ce matin, Benoît et Sarah. Il y a jusqu'à 500 euros à gagner. Je vous le souhaite, c'est parti. Ah oui. Moi j'ai connu, moi voilà, je l'ai voilà, pas. Voilà. Est-ce que vous avez reconnu ici dans le public ou pas? Oui. C'était qui? Vas-y. Attends, vas-y, moi, il faut que je donne le micro, ce sera plus sympa. C'est comment ton prénom? Alice. Alice, c'était qui? Ariana Grande. Alison de Roof, en fait. Bien. Rien à voir, Tiffany. Ok, pardon. C'était bien Ariana Grande, ouais, bien vu. Ouais, 0-0, Benoît et Sarah, c'est pas grave. Voici le deuxième extrait. Bonne chance, on joue donc avec la fin des morceaux. Oh, bah il va être rapide ce duel. Oui, mais c'est trop tard. Benoît, il est plus calé en film de Noël, hein. Oui. Je pense bien. Pareil, quelqu'un a reconnu ou pas? Devant, c'était qui, Margot? Camila Cabello, conséquence. Eh. Conséquence. Conséquence. Consequences, c'est de l'anglais. C'est bien ça. Bravo, Camila Cabello, bien vu. Bon, Benoît, Sarah, 0-0 quand même là. On est nulle part là les copains. Ah, ça va aller au pénalty. C'est le dernier duel en plus. Donc dans cette formule, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Voici le troisième extrait, on joue avec la fin. Celui-là, Sarah ou Benoît, il est facile. Vraiment, bonne chance. Eh ben ils sont vraiment nuls tous les deux. Sarah, oui mais trop tard Sarah. Ah non, les clochettes. Bon, tout le monde a reconnu. Mais oui. Quand même. Alors, c'est qui? Dadjou. Mais ouais. Dadjou. Mais oui. Je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon temps et d'élever au rang. J'ai l'impression que le gars, il faut qu'il arrête d'écouter du LP, il commence à devenir pas bien. Il se met à pleurer et tout, il faut qu'il arrête. Il est sous l'exomile. Quatrième extrait, Benoît, Sarah, vous êtes toujours là? Oui, oui. Ah, c'était pour être sûr. Quatrième extrait, on y va. Benoît? Vous êtes sérieux? Mais ouais. Non. Mais il est trop tard toujours, Benoît. Incroyable. Bon, les fifous du public. Bonjour, c'est comment ton prénom? C'est Noah. Noah, c'était qui? C'était Drake. Et mais ouais. Ah, oh, bah oui. Bah ouais, voilà. I hold back, sometimes I won't. Drake, hey, vous êtes vraiment très mauvais, Benoît. Sans rire. Attention, c'est le dernier extrait. Là, je vous promets, si vous trouvez pas celui-là, c'est la honte internationale, vraiment. Mais là, on met pas la pression comme ça. Ah ouais, si, je suis obligé. Honte internationale, m'avez entendu. Il rigole pas. Voici le dernier extrait, soyez attentifs. Ah ben bravo. Non, on a... Ah si, si, oui. On a entendu quelqu'un. Tiffany. Oui. Est-ce que quelqu'un a répondu avant la clochette? C'est Benoît. Ah ok, merci, parce qu'en fait on n'entend pas tout ici. En fait, ça fait une demi-heure qu'ils sont en train de crier et nous on entend. Non, non, non. Non, non, à chaque fois c'était trop tard, mais là c'est Benoît. Là c'est Benoît. Benoît, on t'écoute. Kenji. Benoît nous dit Kenji. Benoît est notre maître du duel actuel. Et... J'adore ça. Oui, c'est bon. Ouais. Ça va, moi, je rentre chez moi. C'est bon. Et c'est la bonne réponse, c'est Kenji. Pour oublier. Eh bien, Sarah, on est désolé pour toi, ma chérie, ce matin. Puisque Benoît reste notre maître du duel. Bravo. Woo. Bravo à toi, ça fait 100 euros en plus ce matin. On était à combien de cagnottes hier? À 400. 400 euros. Merci la comptabilité, Tiffany. 400 euros plus 500. Plus 100 euros. Calme-toi, c'est Noël, mais calme-toi. Ça fait donc 500 euros pour Benoît ce matin, bravo! Le boss, il nous a regardé, mais d'une force. Alors, je tiens à le dire, mon Benoît, tu es maître du duel. Je vais te poser une question fatidique dans un instant, mais avant ça, j'explique très rapidement les nouvelles règles du duel. Vous pouvez gagner jusqu'à 500 euros. En janvier, vous pourrez gagner jusqu'à 1000 euros. Il y a le boss qui vient de jeter ses affaires par terre. Il dit, moi, je me casse. Amenez un mouchoir pour Nico, s'il vous plaît. 1000 euros, vous allez pouvoir gagner par jour, les copains. Mais, parce qu'il y a un mais. Il faudra devenir maître du duel, ça sera la seule condition qu'on vous demandera. Il y aura plus de 100 euros par 100 euros. Ça sera 3 enveloppes, vous ferez un choix. Il y aura soit 10 euros, soit 100 euros, soit 1000 euros à gagner. Toujours cumulable. Vous resterez maître du duel, vous revenez le lendemain. Mais par contre, si un jour, vous vous faites détrôner, le nouveau maître du duel peut alors dire duel, parce que ce sera duel or not duel. Et si jamais il trouve l'extrait, il pourra aspirer la cagnotte de l'ancien maître du duel. Wow, et ici, il y a tous les gens qui font wow. Ce qui, pour faire simple, si je reprends l'exemple de Julia cette semaine qui était à 2300 euros, ouais. Benoît l'a fait tomber. Benoît, aujourd'hui, au lieu d'être à 500, aurait pu déjà être à quasi 3000 euros. Avec... C'est pas beau ça ? Ouais ! Alors, Benoît, j'ai une question très simple parce qu'attention, il y a un truc que j'ai oublié de dire qui a aussi son importance. C'est que si jamais, à ce moment de duel, vous perdez tout. Ah bah oui. Ah bah oui, à un moment donné on veut bien vous donner du pognon, mais il faut pas non plus trop nous en demander. Alors Benoît, ma question est simple. As-tu envie de faire partie de la nouvelle aventure du duel, en sachant que tu peux potentiellement perdre ta cagnotte si un jour il y a un nouveau maître et qui te bat et qui t'aspire la cagnotte? Et qui t'aspire ta cagnotte. Il peut t'aspirer ton... enfin ton... tout. Et toi, ton salon et tout, mais il aspire ta cagnotte. Benoît, soit tu repars aujourd'hui avec 500 euros, c'est sûr et garanti, soit tu retournes ton aventure en janvier avec potentiellement la possibilité de gagner 1000 euros plus, hein, ou de tout perdre. Benoît, on t'écoute. Non, je pense que je vais arrêter. Benoît, 500 euros, c'est pour toi, bravo. Wouh. Le duel énergie qui reviendra en janvier, évidemment, avec cette nouvelle formule. Ça va être pépite, je vous le dis vraiment. Bravo, Benoît, encore. Merci d'être passé ce matin. Bonne année. Et bonne année. Joyeux Noël. 500 euros pour chez toi, Benoît. Merci à vous. À bientôt. Bisous, Sarah. Bisous. À bientôt. Bisous à tout le monde. Et bonne fête de fin d'année. À toi aussi. Merci, à toi aussi, Sarah. Merci beaucoup. Salut. Merci pour le jeu. Bisous. De rien. Bisous, Sarah. Elle est avec nous ce matin. Salut. Alice on the roof. Exceptionnellement ce 6-9 live. Alice on the roof est avec nous dans un instant. A tout de suite. C'est le 6-9. L'interdit, l'interdit, l'interdit. Osez le frisson de l'interdit. Le nouveau parfum Givenchy. Vendez vite, achetez mieux. Tous nos magasins sur cashconverters.be. It's the most wonderful time of the year. Les pulls sont ridicules, les kilos s'accumulent, je suis sur les rotules. It's the most wonderful time of the year. Avec les offres illimitées Orange, vous n'avez pas fini d'aimer Noël. We wish you a happy ticket, we wish you a happy ticket, we wish you a happy ticket et un joyeux voyage. Avec le Happy Ticket de la SNCB, voyagez en train pendant les vacances de Noël pour seulement 10 euros aller-retour. Infos et conditions sur sncb.be. Si vous trouvez normal qu'un adolescent de la bande de Gaza se vide de son sang, la cuisse en lambeaux, et qu'il portera à vie les séquelles de ses blessures, et d'en avoir rien à faire parce que vous vous dites... J'y comprends quand même rien à ce conflit. Si vous trouvez ça normal, alors c'est normal de ne pas nous soutenir. L'indifférence est une maladie. Ensemble, stoppons sa progression. Faites un don à Médecins Sans Frontières sur msf.be. Pierre Détias, bonjour. Oui, bonjour, j'ai eu un accident. Oh là là. Non, et ne vous inquiétez pas, chez nous, vous ne payez pas de franchise. Oui, je sais, mais en fait, c'est le conducteur d'en face. Il est oh là là. Oh là là, il va bien. Oh, il est beau. Oh là là, j'ai envie de chanter. Une Omnium sans franchise, c'est le coup de cœur assuré. Vous aimez ? Etias aussi. Demandez maintenant une offre et recevez 2 mois gratuits sur notre assurance auto. Infos et conditions sur etias.be. Vous, si vous aviez le choix, vous préféreriez être un plombier qui s'appelle la fuite ou un poissonnier qui s'appelle le bœuf ? Heureusement, chez Renault, c'est plus facile de choisir. Nos conditions salon commencent dès maintenant. À l'achat d'un utilitaire Renault, vous recevez jusqu'à 10 275 euros d'avantage. Choisir un véhicule utilitaire n'a jamais été aussi facile. Infos et conditions sur Renault.be. Monsieur Afflelou, vous m'avez appelé. Père Noël, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, Chin Chin Spécial Fête, c'est toujours un succès phénoménal. Alors félicitations. La moins bonne pour vous, c'est qu'on recommence cette année. Allez, on y va. Chin Chin Spécial Fête, c'est 2 paires de lunettes de plus pour 1 euro de plus jusqu'au 15 janvier. Il m'en fout, cet Afflelou. Voir conditions en magasin. De vos scènes Noël en fa fa fa fa fa fa famille, et je te dis c'est tout naturel que je t'apprécie. Oui, le mince mon vieil ami, sache que moi c'est le cas aussi, et pour te prouver que je t'aime, je te sais de la l'américaine, de la l'américaine. Dis de vos, c'est quand même pas difficile de dire qu'on s'aime bien. Surtout si on la chante. Il faudrait qu'on le fasse tous pendant le dîner de Noël. Un petit zeste de sauce. C'est le plus beau des zestes. Laisse-moi te glisser en douce, que de te revoir est un bonheur. Oui. J'ai une cuillère d'andalouse, ton filet de dinde sera encore meilleur. Je suis content que ça te plaise, v'la v'la v'la de la mayonnaise. Bien. Pour mettre encore plus à l'aise, je t'offre de mon cœur mes bandes duchesses. Tu ferais ça pour moi de vos... Mais bien sûr, les mêmes. Il suffit d'un peu de sauce pour rendre ses... amis heureux. De vos les mêmes. À table. Dans un instant, Alison, vous êtes avec techno, Zara Larsson, c'est ce qu'on va écouter côté hit et un point sur les routes. Yannick, on signale un obstacle sur une partie de la chaussée, les conditions sont difficiles sur la E42 de Liège à Mons, à Spy précisément, une perte de chargement également, conditions de conduite difficiles sur la E42, deux accidents à signaler, tout d'abord sur la E411, la voie de droite est bloquée de Bruxelles à Namur à Corroy-le-Grand, autre accident, les conditions de conduite sont difficiles sur la E42 à Namur-Ouest. I miss you, pushing me close to the edge. I miss you. I wish I knew what I had when I left. I miss you. You said fire to my world, couldn't handle the heat. Now I'm sleeping alone. Yeah. I want you to fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on, if you make it all wrong, let it make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. I miss you. I know you missing me too, like you should. I miss you. You set fire to my world, couldn't handle the heat. Now I'm sleeping alone, and I'm starting to freeze. Baby, come bring me air, let it rain over me. Baby, come back to me. Baby, come back to me. Oh. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Yeah. I want you to fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on, if you make it all wrong, let it make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Ce matin, vite à Slimane dans un petit instant et allez notre invité, ça fait très très plaisir. Faites du bruit pour Alice on the Roof. Ouais. Alice on the Roof est avec nous ce matin dans ce 6-9 live. Il y en a eu des titres, oh il y en a eu, il y a eu celui-là. Ah j'adore. C'est pas maintenant, dommage. Il y avait Malade aussi de Alice on the Roof, j'adore. Très dur à chanter. C'est vrai, c'est super aigu. Hein. Comment tu fais comme ça pour chanter Bonjour Alice. Je prends beaucoup de drogue. Oh là là, mais c'est vrai, c'est très aigu hein, la chanson. Oui, oui, oui, même moi je sais pas comment je fais. Il y avait celui-là de titre aussi d'Alice. J'adore. Mystery Light, vous vous souvenez de Mystery Light? Une de mes préférées. Ouais. Il hein ah, y a que des hits et je tiens à dire, je suis très très fan du petit dernier. C'est T'as quitté ma planète, j'adore celui-là. Moi j'adore la fin. Non, mais moi j'adore quand t'arrêtes de chanter, c'est à ça qui est la fin. Et j'adore. Si tu veux faire un duo, tu sais que tu vas pas prendre chanteur chez vous. Oui, c'est petit chanteur de la casserole. Hein. Alice on the Roof est avec nous ce matin. Merci d'être là. Merci beaucoup de m'inviter. Ça me fait très plaisir. On s'est tous levé tôt. Hein. Franchement, oui. Vous êtes tous courageux. Là. C'est vrai que ça a piqué pour tout le monde ce matin. 4h30, elle m'a dit Alice. C'est vrai. Oh là là. Oh, c'est avec plaisir. Mais je te disais tout à l'heure, hier soir, je me suis perdue sur YouTube. Pendant, voilà, ça arrive parfois. Ah oui, c'est trop bien. Donc, ça. Ouais. Me dis pas que c'était des vidéos de chat. T'as un trou dans le temps comme ça. Si, bah ça finit toujours par là. Hein. Tôt ou tard, la vidéo de chat arrive. C'est tu commences par une vidéo de Booba, tu finis par une vidéo de chat, tu vois. Je sais pas quel est l'algorithme chez YouTube, mais ils sont très très forts. Alice Anelouf qui sera en concert à Forêt Nationale, c'est le 30 mars prochain. Oui, ouais. On viendra te voir. Ah oui, on va voir tous nos invités. Bon, ça nous coûte un paquet de pognon. Sinon, on va voir tous vous nos invités. Généreux hein, chez Énergie. Oui, oui. J'ai vu ça. Oui. Allez Nico, beaucoup d'argent. T'as vu, je passe entendu le duel, on va offrir 1000 euros à la rentrée. Enfin, c'est génial, ouais, voilà. Vous avez craqué complètement. Allez, d'ailleurs, tu repars avec une voiture aujourd'hui, Alice. Ouais. Alors, très rapidement, on va se faire un petit jeu avec toi ce matin. C'est un Christmas song. J'explique. On avait fait ça la dernière fois. On a fait la spéciale pyjama. Ils avaient chanté Mickey et Flo en mode berceuse. Et on doit retrouver de quel titre il s'agit. Sauf que là, ils vont le faire en fait en mode Noël. Noël. Merci. Vous évidemment. En mode Noël, Mickey et Flo, c'est à vous, à nous de repérer de quel titre il s'agit. Et on va jouer avec toi, Alice. Sois attentive. C'est parti. Around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world. C'est Daft Punk? Oui! Ouais. Ouais. Franchement, ça claque en version Noël. Hein. Ouais, c'est même mieux. Très sympa. On en a encore deux autres. Eh ben, Mickey et Flo, restez avec nous. On va faire ça juste après. On envoie la pub, on a les infos à 8h30. On revient juste après. Qu'est-ce qu'on va se faire à 8h35? Le débrief de PE. Ouais. Et on revient avec ça. On continue le Christmas Song. On va essayer de retrouver parmi ces chansons de ouais. Noël qui sont les artistes. Et je peux vous dire que les deux prochains sont très compliqués. A tout de suite sur Énergie. About Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing to have loved and I've lost. But that's not what I see. So look what I got, look what you taught me. Vous n'auriez jamais trouvé à la FNAC les cadeaux qui font vraiment plaisir. Ça vient de la FNAC ? Oh, merci ! Ben, ouvre-le d'abord. Ah oui. FNAC. FNAC, libérez votre curiosité. Oh ! Ah bah dis donc ! Oui, ça c'est ce qui se passe quand Frisco passe derrière Tiffany. Non, il m'a fait peur. La météo pour aujourd'hui, Yannick. Aujourd'hui, c'est la pluie toute la matinée. L'après-midi, il devrait faire un petit peu plus sec. Par contre, il ne fera pas froid du tout. Les températures tourneront autour des 10 degrés aujourd'hui. Le vent sera par contre très fort à la côte. Exceptionnel, exceptionnel. Un point sur l'actu de ce 21 décembre avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. Théo Franken a reconnu que la NVA n'avait pas signifié assez tôt son opposition au pacte de Marrakech sur la migration. Il a fait cette déclaration dans le journal Sud Presse. Sur la crise gouvernementale, l'ancien secrétaire d'État à l'asile et à la migration a également expliqué qu'il n'en veut pas du tout à Charles Michel. Bipost va recruter plus ou moins 1000 personnes supplémentaires. Le salaire net d'un débutant sera probablement de 1800 euros net. Voilà notamment deux mesures prises après l'accord survenu entre patronat et syndicats. Cette nouvelle convention a été conclue après plusieurs jours de grève. C'était en novembre dernier. Les syndicats dénonçaient notamment un manque d'effectifs et une pression au travail. En France, le gouvernement a accordé plusieurs mesures aux gilets jaunes, primes exceptionnelles et heures supplémentaires défiscalisées. L'Assemblée nationale française a donné son feu vert dans la nuit de jeudi à vendredi aux mesures d'urgence du gouvernement pour répondre donc à la crise des gilets jaunes. Selon la ministre du Travail, ces mesures apportent des réponses rapides, fortes et concrètes. Aux États-Unis à présent, le ministre de la Défense, Jim Mattis, va quitter ses fonctions à la fin février. C'est Donald Trump qui l'a évoqué sur Twitter. Le ministre américain de la Défense a présenté ses démissions. Il a reconnu des divergences avec le président. Il lui a d'ailleurs adressé une lettre qui a été rendue publique. Toujours aux États-Unis, le président américain Donald Trump a décidé de retirer un nombre important de troupes américaines d'Afghanistan. Quelques 7000 des 14000 soldats américains à présent seraient concernés. Le président avait déjà annoncé hier le retrait des troupes stationnées en Syrie. Et enfin, football, l'ouverture de la 20e journée de championnat ce soir. Gand accueille le club des Bruges pour un derby des Flandres. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. Oui, ça les fait marrer. Le 6-9 sur Énergie, tous les matins, 6h-9h. Ce matin, en direct, 8h33 sur Énergie. Bonjour ! Bonjour ! On espère que toi bien, c'est vendredi, c'est le week-end qui démarre. Et Alice Andelouf est notre invité ce matin. Ils sont méchants, évidemment, c'est pas Alice qui a fait ce bruit. Mais non ! C'est de la faute de Jérém, hein. J'ai rien à voir là-dedans. Pardon. Par contre, on l'a mis Alice à côté de Jérém, ça a peut-être pas été la meilleure des idées. Alice, tire sur mon doigt. Non, non, non. Oh la pauvre Alison Nourove qui vient nous voir ce matin pour notre plus grand plaisir. On fera un titre en live tout à l'heure. Mais oui, avec plaisir. Wow, ouais, trop bien. Je vois qu'il y a le piano. On peut déjà savoir c'est quoi. Ça commence par toi, ça finit par Planète. Ouais. Et entre les deux, il y a quitté. C'est le nouveau. Demande ce que c'est. Alison Nourove, t'as quitté la planète. C'est le nouveau qu'on se fera tout à l'heure en live. J'adore. Ça sera en direct sur Énergie dans quelques minutes. Notre PE national qui va arriver dans quelques secondes aussi, ouais. C'est le débrief de PE qui arrive. Tu connais PE, Alice ? Pas encore. C'est vrai, c'est un belge, il un humoriste belge, il est pas mal. Il est chauve. Est-ce que t'es célibataire, Alice ? Oh, je peux. Bon, allez, oui. Thomas, notre stagiaire, t'es où ? Alors, voici PE. Ok. Voilà. Ah, pas du tout ton genre, apparemment. Oui, alors le truc un peu bizarre sur mon téléphone, c'est du chewing-gum. C'est pas. C'est un peu dégueulasse mon téléphone, c'est vrai. PE qui arrive juste après Marshmello, on écoute Happier maintenant. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. And I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, know that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go. So I'll go, I will go. Panic at the Disco, c'est ce qui va arriver dans un instant. J'adore ce son de Panic at the Disco. Ça va te mettre une patate pour démarrer la journée, mon ami. Ça va être dans quelques minutes. Alice Underwolf est avec nous ce matin. C'est notre invité. Merci d'être là, Alice. Ouais. Et nous sommes en public. Et le public. Avant qu'on ait Alice Underwolf en live et qu'on continue le petit jeu de Christmas Song, évidemment. Nous avons notre PE, comme tous les vendredis. Faites du bruit pour PE, s'il vous plaît. Comment ça fait plaisir de vous entendre. Ah, nous aussi. Toujours en direct de Rennes. Je suis toujours en direct de Rennes parce que ça fait 2 semaines que je suis en France et franchement, j'en peux plus. Venez me chercher. Les Français, c'est sympa, mais non, en fait, c'est pénible. Chaque fois que je dis que je suis belge, j'ai droit à ah ben oui, mais ça, personne n'est parfait. Hein. Merci, j'avais remarqué, ici, il n'y a que des Français. Le plus difficile, c'est que les Français passent leur temps à me corriger car je ne parle pas tout à fait comme eux. Vraiment, en France, le concept d'accepter la différence est un projet non abouti. Hein. Je vous donne un exemple. À table, en bon belge, je privilégie le verbe savoir à la place du verbe pouvoir, du genre dit, tu sais me passer le sel. Erreur monumentale. Quand un Français entend ça, il bug. Il bug tellement qu'ils se sont obligés de me reprendre en disant, on dit tu peux. Tu peux me passer le sel, parce que savoir, évidemment, je sais le faire. Eh ben, tu sais quoi, petit Français, si tu sais que tu peux le faire, fais-le et pète pas les couilles, Dieu. Allez, jingle. PE est sur Énergie. PE est sur Énergie. Chaque vendredi, dans le 6-9. Alors, c'est déjà le dernier débriefing de 2018. Mais oui, ça passe vite quand on s'amuse, et une fois de plus, l'actualité a été riche en émotions. Alors, chronologiquement, le week-end dernier, la Belgique est devenue championne du monde de hockey. C'est toute la commune de Uccle qui a fait la fête. Je plaisante, c'est cliché, il n'y a pas que à Uccle, il y avait aussi une bonne partie du Brabant Wallon. N'empêche, c'est historique, c'est la première fois que la Belgique devient championne du monde dans un sport collectif. Enfin, en tout cas, dans un sport légal, sinon en collectif, on a déjà le PS qui est champion du monde de la corruption. Alors, quelqu'un m'a dit, attention, si tu fais des blagues sur la gauche, tu dois aussi faire des blagues sur la droite pour équilibrer. Mais avec grand plaisir, Coco. Donc, 3, 2, 1, Charles Michel. Voilà, fin de la vanne. Par contre, en parlant de Charles Michel, le week-end dernier, l'ancien vice-premier ministre Yann Nyambon a déclaré, je cite, « Si Charles Michel veut le soutien de la NVA, il sera notre marionnette ». Eh ben Yann, je ne te cache pas qu'en disant ça, t'en as surpris plus d'un, car tout le monde pensait que c'était déjà le cas. C'est dire que Charles Michel pourrait être la marionnette de la NVA, c'est comme dire que Delphine Boyle pourrait être la fille cachée du roi Albert II. Au final, il n'y a que le principal intéressé qui refuse de l'admettre. Mais attention, Mais attention, pour la NVA, Charles Michel, c'est pas n'importe quelle marionnette, c'est une marionnette de ventriloque. Tu dois d'abord bien l'enfiler et ensuite tu peux la manipuler. Non. Si, c'est comme ça qu'on fait. Alors lundi, après la Belgique et la France, le mouvement des gilets jaunes devrait s'étendre au Portugal. Ce sera des gilets jaunes comme chez nous, mais avec des poils. C'est facile. D'ailleurs, ce ne sera pas les gilets, mais les gilettes jaunes en hommage au rasoir. Mardi, dans la catégorie justice de Bisounours, direction les États-Unis ou dans l'état du Missouri, un braconnier multirécidiviste vient d'être condamné à... Attention, roulement de tambour, la condamnation est inédite pour avoir tué illégalement des centaines de cervidés sur une période de 3 ans. David Berry vient d'être condamné à regarder Bambi. Non, c'est pas une blague, hein, condamné à regarder Bambi. Apparemment, le juge y revenait d'un voyage culturel légal à Amsterdam et il était encore complètement défoncé. Toujours mardi, Charles Michel, bam, running gag. Et comme tout bon gag, il y a une chute. En effet, mardi, Charles Michel a rendu sa démission au roi. Tu es la semaine dernière, la NVA qui quitte le gouvernement, maintenant Charles Michel qui rend sa démission. Mais c'est Noël avant l'heure. Je n'avais plus autant fait la fête depuis la veille. Hein. Je vous rappelle que je suis en Bretagne, ici il y a un rythme à respecter. En Bretagne, on est alcoolisé 2 fois par semaine. D'abord les 3 premiers jours et ensuite les 4 derniers. Mercredi, Élodie Rupo donnait son avis sur la crise politique actuelle. Et je ne comprends pas pourquoi il la ramène encore, celui-là. Il a oublié qu'il a été Premier ministre et que ça n'a pas été un succès. En fait, Élodie Rupo, c'est Dory dans le monde de Nemo. Même la maladie d'Alzheimer aurait porté plainte contre Elio pour plagiat. Et jeudi, pendant qu'on discute politique en Belgique, direction les Pays-Bas, où le débat est à un tout autre niveau, la presse titrait, je cite, « Après le cannabis, les Pays-Bas aimeraient légaliser l'ecstasy. » À tous les coups, ça c'est le juge du Missouri qui est passé par Amsterdam qui a proposé ce truc. Il aurait d'ailleurs déclaré « Dites, vous avez déjà vu Bambi sous ecstasy ? C'est comme Las Vegas parano, mais avec des animaux. » Allez, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous dis à l'année prochaine et je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année sur l'énergie. Buvez, picolez et surtout, aimez-vous, bordel ! À voir sur scène les prochaines dates, je vous les donne. Bon, en ce moment à Rennes, hein, il y a encore jusqu'à demain soir d'ailleurs à Rennes. Courage PE. Ouais, c'est bientôt Merci. Fini la France. Ouais, oh putain, j'ai hâte de rentrer. Le 8 février prochain, ce sera à Charleroi à la Comédie Centrale. Le 19 janvier, Liège, la Comédie en Île. Le 16 février, Toulon. Et le 4 avril, à Differdange. Voilà, comme ça, vous pouvez aller voir PE en spectacle avec Optimiste. Merci mon PE. Merci mon bon Marco, merci à tous et n'oubliez pas d'aller voir au mois de mars Alison Derouf en concert, elle est incroyable. Oh là là, c'est trop chou. Elle est célibataire PE. Première déclaration d'amour. Merci mon PE, merci. Et à l'année prochaine. Voici Panic! At the Disco sur Energy. On revient avec Alison Derouf qui est notre invité ce matin en public. Avant le week-end et surtout avant les vacances, on revient après Panic! At the Disco. Mama said,

que de toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami, mon ami, mon ami, Tiago. Mon ami, mon ami, mon ami, Tiago. Mon ami, mon ami, mon ami, Tiago. Tiago. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami Tiago. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon je suis là pour le pire. Tiago, Tiago, Tiago, Tiago. Merci d'être avec nous en live, en public pour cette dernière émission du vendredi. Qui est notre invité ce matin, quel bonheur de t'avoir avec nous. Vraiment, on est en kiff total. Un petit Instagram pour Alice, en live sur Énergie. Voilà, vas-y, je t'en prie. Mais tu peux nous taguer, c'est Fifou du 19. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi tu parles comme ça? Je sais pas. Alice on the Roof qui va chanter en live dans un instant, t'as quitté la planète. On vous rappelle le concert d'Alice on the Roof le 30 mars prochain. Forêt nationale, messieurs, dames. Mais ouais, quand même, ça s'applaudit, Forêt nationale. Ouais. Ça va être très sympa. Alice on the Roof. D'ailleurs, on pourra te voir sur Energy Hits pendant les fêtes, puisque le 24 et le 31, on rediffuse les Energy Music Tour. Et t'étais venu nous voir oui, à Liège. Ah oui, oui, excellent, excellent. Ouais, c'était très sympa. Avec les déguisements, ouais, c'était génial. Avec deux gorilles blancs comme ça, qui n'ont pas du tout eu chaud, tu vois. Parce que Alice est très sympa, elle met des costumes quand il fait 35 degrés en été. Donc voilà, c'est plutôt sympa. C'est comme ça qu'on s'impose. Je suppose que visuellement, le concert, ça va être ça. Il va y avoir ces petits bonhommes qui vont revenir. Ceux-là, alors les costumes sont vraiment sales. Mais ils sont durs à laver. C'est une matière spéciale à laver. Mais non, il y aura bien sûr. On est en train de préparer ça. Beaucoup d'éléments de décor et de. Ça va être. Un peu foufou. Ouais, ça va être foufou magique. Ça va être chouette. Foufou magique, j'adore. Ah, j'ai hâte. Ça fera un super parc d'attractions. Tu vas où ce week-end? Je vais à foufou magique. C'est génial, je te jure. On dépose le nom foufou magique, ça. Fifou magique, même, je dirais. Fifou magique. Fifou magique. Alice, avant de faire le live de T'as quitté la planète, j'aimerais qu'on termine ce Christmas song avec Mickey et Flo. Très sympa. Et on est ça. On est en direct d'ailleurs sur Énergie Belgique, ouais, sur le Facebook. Coucou. Alice on the Roof qui va chanter en live. Restez avec nous, ça sera dans un instant. Et donc pour ce live Facebook, profitez. Nous allons jouer. Essayez de deviner qui se cache derrière ces versions de Noël de ces Hit Énergie. Mickey et Flo, c'est à vous. Ah, tu es sûr. Doré mi fa sol. Alice, ce matin, Eminem avec Lose Yourself. Fallait le deviner. Hein. Ouf, ouais. Ouf petit. Allez, le petit dernier, Mickey et Flo. Enfin, l'avant-dernier, pardon. Allez-y. Ah. Il maîtrise le texte. Oui, c'est notre spécialité. Oui, c'est notre on bosse beaucoup les textes. Il maîtrise le texte, tout. C'est sympa, c'était sympa cette petite version. C'est génial. Elle va la faire à Forêt Nationale. Je vous engage et je vous mets dans des costumes chauds. Très bien. Même s'ils sont sales, on les prend, il n'y a pas de souci. Mickey et Flo, voici la dernière Christmas song. Celui-là, elle n'est pas évidente. Non, attention. Difficile. Qu'est-ce qu'on est serré entre les sardines, chante les sardines, chante les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre lui et les aromates. Ho ho ho, je vois. Évidemment, tu as reconnu. De Patoche. Patoche. Hey, Patoche. On se fait un kiff, on se fait un kiff ou pas, les filles. Allez. Allez. On se fait un kiff ou pas. Au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce que c'est? Au fond de cette boîte, chante les sardines entre lui et les aromates. Putain, c'est génial. Ah, comme les gens ils continuent à chanter, tout, c'était trop drôle. Oh, j'ai eu un peu de chaud, moi. J'ai l'impression d'être passé dans un truc spatio-temporel. On a vraiment fait ce qu'on vient de faire. Oui, on l'a fait. En direct sur Facebook sur énergie. Et sur énergie. Et on le refait, c'est parti. Attendez, comme dans Men in Black. Tiffany se transforme en kermesse. Allez, tout le monde debout. Attrapez la floche, attrapez la floche, à tour gagnant. Mais je vous promets, si elle n'avait pas fait de la radio, la nana, elle serait poissonnière au marché. Oh, quoi. C'est merveilleux. Ah bah elle a déjà les odeurs, hein. Oh non. Encore 10 euros. Ouais, t'en es à 20, t'as pour aujourd'hui. T'es riche. Alors je vous rappelle, cette cagnotte, on sait pas encore ce qu'on va faire. En fait, on a une cagnotte dès qu'on dit un gros mot, dès qu'on fait une blague pourrie, une petite connerie. Voilà, cagnotte. Cagnotte qui commence à déjà s'élever à un bon montant. Et on sait pas ce qu'on va faire, mais une chose est sûre, on a envie de faire un truc caritatif avec ça. Donc ouais, on verra en fin de saison ce qu'on fera. Mais on fera une belle chose avec cette somme. Au mois de juin, ça va être une grosse cagnotte. Hein. Oh bah on va, à mon avis, on sera à 1000 euros. Hein. Oh, voire plus. Oui, tu peux ressortir les mouchoirs, Nico. On revient dans un petit instant sur Énergie. On va finir l'émission avec Hakuna Matata. Il y aura le live d'Alice on the Roof. T'as quitté la planète. On se le fait maintenant, carrément. Bah oui. Oh, un petit dinoro quand même avant. Ok, d'accord. Oui, le temps que Alice puisse s'installer tranquillement. Alice on the Roof en live, en public, dans un petit instant. On va pouvoir tous chanter Hakuna Matata ensemble, ça va être génial. In my head, this is where we all come from. The dreams we had, the love we shared. This is what we're waiting for. In my mind, in my head, this is where we all come. In my mind, in my head. 1 sur Énergie. Dans un instant, c'est le beau gosse de la radio, Tanguy. Hey, bonjour. Comment est-ce? Tout bien et tout. Moi, bien. On est quand même bien d'accord maintenant qu'on a les fifous qui sont avec nous ce matin, le public. Il a rien d'un Italien. Non. D'accord. On dirait un Autrichien, on est d'accord. Mais c'est un beau gosse. C'est un beau gosse ou pas? Il est tout rouge. Je vais aux toilettes. Il aime pas quand on fait ça. On est en live et en public avec Alice on the Roof, s'il vous plaît. Maximum de bruit pour Alice on the Roof pour terminer cette émission en beauté. Voici T'as quitté ma planète en live. C'était toi, Alice. Oublie le mot d'amour. Oublie le mot doux, oublie le beau discours. Pour tirer ton courage, c'est pas ton jour. Ta drague de mauvais goût, j'en ai fait le tour. Oublie-moi et bye bye, tes mots déplacés. Bye bye, je n'en veux pas. Bye bye, ton air affamé. Regarde-toi, non. Quitte la planète. T'as cru peut-être que t'avais tous les droits. T'as quitté la planète. Gâché la fête. Car mon corps est à moi. Oublie tes mots tout crus. Si tu flanches à la vue. Bye bye, je n'en veux pas. Bye bye, ton air affamé. Regarde-toi, non, mais t'as quitté la planète. Gâché la fête, garde tes mains chez toi. T'as quitté la planète. Gâché la fête, car mon corps est à moi. C'est comme ça qu'on va traiter ta soeur. Merci beaucoup Alice d'être venue ce matin, ça a été un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci. Vraiment. Vous êtes un peu spéciaux, mais je vous aime bien. C'est le plus beau compliment, vraiment. Franchement, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. Alice on the Roof qui sera le 30 mars, je vous rappelle, à Forêt Nationale pour son concert. N'hésitez pas à prendre vos places. L'album d'Alice on the Roof, toujours disponible, évidemment. Alice, merci beaucoup du fond du cœur. Merci à vous. Et j'ai une question, veux-tu être notre cousine de l'émission? Ah, avec plaisir. Oh, la La famille s'agrandit. Une cousine de plus dans la famille. Une folle de plus. Une fifou en plus. Vous avez passé une bonne émission, le public. C'est un plaisir de vous avoir ce matin, les fifous, avec nous. Vraiment, on a kiffé. J'espère que vous avez kiffé aussi. On a dû refuser des gens. Donc, pour ceux qui, malheureusement, n'ont pas eu la possibilité d'être avec nous ce matin, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire pour les prochaines, parce qu'on passe un bon moment. On a passé un bon moment ou pas? Ouais. Alors, tout va bien. On vous souhaite d'excellentes vacances, les fifous. Est-ce qu'on se quitte avec un petit Hakuna Matata? Ah oui, oui, évidemment. Oui. C'est fini pour aujourd'hui. Oh. Mais on revient en janvier. Ouais. Hakuna Matata, notre chanson qui met la bonne humeur pour toute la journée. On vous souhaite de bonnes vacances, les fifous. De très belles fêtes dans la joie et dans la bonne humeur, évidemment. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Hakuna Matata, on aurait pu faire le revoir sur les sardines, hein, mais. Oh, parce qu'elle est redoue avec ses sardines. Moi, j'aimais bien. Ambiance, mauvaise ambiance. Oh, la poissonnière. Bonne vacances, joyeux Noël. Bonne vacances, bonne fête à tout le monde. Et ouais. Joyeux Noël. Matata. Bonne vacances, mon Frisco. Tu tournes vers Jérém, j'étais pas attentif. Bonne vacances, mon poulet. Bonne vacances, Jérém. Et bonne vacances à tout le monde. Bonne vacances à l'équipe. Bonne année. Et on vous aime. Bonne année, on se dira ça l'année prochaine, évidemment, puisqu'on revient en janvier. Pour votre plus grand plaisir, les fifous, on sera là après les vacances. On va se reposer un petit peu. Et on revient en janvier. Joyeux Noël à tous, de très bonnes fêtes. Et qu'est-ce qu'on se dit? À janvier. À janvier. On dit à janvier. On dit à janvier. À janvier. À janvier. À janvier. Monsieur Afflelou, vous m'avez appelé. Père Noël, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, Chin Chin Spécial Fête, c'est toujours un succès phénoménal. Alors félicitations. La moins bonne pour vous, c'est qu'on recommence cette année. Allez, on y va. Chin Chin Spécial Fête, c'est deux paires de lunettes de plus pour 1 euro de plus jusqu'au 15 janvier. Il m'en fout, cet Afflelou. Voir conditions en magasin. Énergie. Ah ben merci hein, les fifous, on voit que c'est une émission en public, hein. 9h09, on n'est pas du tout à la bourre, c'est pas grave. C'est pas grave, on est vendredi, soyez les bienvenus sur Énergie. Bah oui, comme tous les jours, à partir de 9h et même 9h09, c'est pas grave. Playlist partagée, vous faites votre playlist, moi je la partage. Ce matin, c'est la playlist de Raphaël qui a fait ça pour sa maman et son papa qui ont 24 ans de mariage. Elle a choisi Aya Nakamura ou encore Bassada dans la suite. Hello papi, Mickey Bazar. J'entends des bails à 300 mois. À ce qu'il paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça.